Attention, les animateurs du podcast étant un peu lents, cet épisode a été coupé en deux comme Maul dans la menace fantôme. Ceci est la seconde et dernière partie. Merci de votre attention et bonne soirée. Ou journée. Faucon Millenial vous est présenté par... Super Faucon Millenial! Des héros incroyables, de l'action à couper le souffle et un réalisme sans précédent. Incarnez vos Millenials préférés, de Tuki à Adrien en passant par Ximute et Mahat, et lancez-vous dans une aventure épique dans une galaxie pas très lointaine et uniquement en audio. Super Faucon Millenial, réveille le Millenial qui est en toi. Disponible dès maintenant. Bon, en tout cas, un autre truc qui commence un peu justement au début des années 2000, et là pour le coup, là on va pouvoir avoir... l'intervention d'Adrien, c'est le début de la collaboration avec, alors ça a commencé avant, mais le début de la collaboration avec Lego, qui aboutit à un certain nombre de jeux Star Wars, de jeux Lego Star Wars. Alors là, pour le coup, moi, j'y ai pas joué du tout. Alors, je sais pas si tu peux nous en dire un mot, Adrien. Enfin, de ton expérience à toi, voilà, de ce que t'en as pensé, si c'était plutôt des bonnes expériences. Ouais, alors déjà, je vais commencer par dire que je pense que de toute l'équipe du podcast, je suis celui qui a le moins d'affinité avec les Lego parce que j'ai jamais trop été fan de ça. Mm-hmm. Et c'est un jour mon meilleur pote quand on était gosse qui m'a dit ouais et tout j'ai le jeu vidéo Lego Star Wars, c'est trop bien. Et moi je me suis dit mais attends, what, un jeu Star Wars auquel j'ai pas joué, parce que enfin à l'époque j'étais à fond dedans et j'ai joué que sur console. Et donc du coup on a joué à ça et on a vraiment joué des heures et des heures à ce jeu. Et en fait c'est un jeu qui couvre la prélogie tout d'abord. Il me semble que ça commence comme ça, avec la question de la prélogie, où en gros, on pouvait faire diverses missions des trois films. Et surtout, on pouvait, une fois qu'on avait fini le jeu, refaire les niveaux avec des personnages comme on le voulait. Il y avait un vaste choix de personnages, et ça, c'était très agréable. D'autant plus qu'on pouvait créer son personnage dans le premier. Et il me semble qu'après, c'est une feature qui est partie. Ou alors peut-être pas dans celui-ci, mais on pouvait créer dans le suivant, qui est sorti quelques années après, qui couvre donc la trilogie originale, hein, qui est donc sorti, je crois que c'est sorti quelques années plus tard. Et ensuite, ils ont refait un jeu où ils couvrent finalement toute la saga, donc la prélogie originale, la prélogie pardon, et la trilogie originale, pour ensuite après refaire un autre jeu Lego Star Wars avec auquel pour le coup j'ai pas joué, mais qui couvre Star Wars, The Clone Wars, je vais y arriver. Ah, c'est le quatrième celui-là. De quoi ? C'est le quatrième celui-là, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le dernier, enfin, le dernier jusqu'à présent, il me semble. Non, il y a eu The Force Awakens. Ah oui, The Force Awakens. Ouais. Et je vais pas vous croire pour celui-là. Il y a les Lego, c'est parmi les meilleurs. Ça s'arrêtait à l'épisode 7, les Lego, ouais. Ouais. Mais ça fait passer une des meilleures séries, honnêtement, je trouve, perso. Bah, c'est un des rares jeux Star Wars auxquels j'ai pas touché. Enfin, les rares jeux Star Wars récents, du coup, auxquels j'ai pas touché à l'époque. Pareil. J'attends le gros Skywalker Saga pour tout faire d'un coup. Mais ça sera pas les mêmes. C'est pas, oui, bah, ça sera pas pareil, je pense. C'est pas un best-of, quoi. C'est un nouveau jeu à part entière, par contre. Ah. D'accord. Ah ok, d'accord. Bon bah. Mais par contre, moi je conseille. Moi je les ai fait après. Moi je les ai fait aussi avec sur le tas. Je les ai fait seulement dans l'année 2010. Et ils sont tous. Enfin, si vous avez déjà joué aux jeux Lego de toutes les autres franchises qu'il y a eu, c'est les mêmes, mais ils sont géniaux à chaque fois. Enfin, chaque fois là en ce moment, je suis en train de faire Lego Batman. Je sais pas 7, 8, 9, 10 avec mon fils. Et c'est toujours aussi fun. Et le premier était bien. Par contre, le tout premier, c'était pas un jeu LucasArts en fait. Ah. Le okay. Tout premier, c'était qui alors? C'était, je sais plus, Eidos ou Warner ou je sais plus. Mais okay. En fait, il n'y a aucun rapport avec LucasArts. Le premier, il n'y a qu'à partir du 2 où ils sont devenus en gros éditeurs du jeu. Quoi. Ils n'ont jamais beaucoup travaillé dessus, à part ils ont fait des concept art, etc. Mais le premier, ils n'ont pas du tout bossé dessus en fait. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est que le 2, le 3 et le 4, puisqu'après Lego Force Awakens ils étaient déjà fermés. Et ça, et puis c'est pour le coup, vas-y. Non, je veux dire, c'est vraiment des jeux à conseiller à fond, quoi, parce que même les adultes qui disent « Ah non, c'est un jeu Lego, machin », et tout, c'est vraiment des jeux super fun, qui jouent à deux en plus. Je trouve que c'est parfait quand t'es papa et que tu veux jouer avec un enfant. Oui, voilà, pour jouer avec son gosse, ça doit être idéal. Ouais, quoi, c'est clair. Tout ça, c'est moins drôle, hein, quand même. Hein. Mais Tout seul, ouais, c'est moins. Si, pour faire, moi, j'ai fait les, j'ai pas fait Star Wars, mais les Indiana Jones, je les ai fait tout seul. Mais pour avoir tous les succès à l'époque, je faisais ça. Et c'était bien un peu de rien. Ah oui. Et pour le coup, est-ce que c'est autant l'humour méta qu'on retrouve un peu dans les petits courts-métrages qu'ils ont créés? Ouais, ah non, ça, ouais, ça, ouais, pour le coup, ça me fait toujours marrer. Alors, même si au début, il y avait une formule assez différente que de ce qu'il y a depuis quelques années dans les jeux Lego, c'est qu'en fait, les Lego ne parlaient pas. Du coup, c'était tout, enfin, c'était muet. Et depuis, je crois que c'est le troisième opus ou le deuxième opus de Batman Lego, dans les jeux Lego, maintenant, les Lego parlent, en fait. Ils sont doublés. Ok. Du coup, c'est pour ça que le prochain jeu Star Wars Lego va être complètement différent, parce que finalement, on a encore jamais vu, à part The Force Awakens, de jeux Lego Star Wars doublés avec, du coup, des dialogues. Ok, ok. Mmh. Ouais, c'est vrai que j'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu que les petits courts-métrages. C'est vrai que les personnages font plutôt des sortes de grognements ou des onomatopées, ouais, voilà, ça. Ouais. Ok, ok. Mmh. Oh, ouais. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Dans les premiers, c'est plus du comique de situation, tu sais, où ouais, tu construis une machine et ça fait un ATST rigolo qui va tirer sur un train. C'est plus, l'humour passe plus dans ce genre de choses que dans les dialogues, dans les séries qu'on a maintenant sur Disney+. Là. Peut-être que le film Lego Movie a influencé ça éventuellement. Peut-être, ouais. Le fait qu'il y ait un film, maintenant les gens sont habitués à voir des Lego qui parlent. C'est possible, ouais. Ouais. Ok, ok. Mais c'est vraiment bien, et les jeux Lego, ouais. Même quand, enfin, je suis pas du tout fan de Lego, et en vrai c'est bien, quoi. C'est plutôt cool. Il y a quelques années, j'avais fait pour un article, j'avais fait une interview de responsable, je sais plus quoi, Lego France, etc. Et j'avais posé la question sur l'humour des Lego, parce que pour moi, c'était les jeux vidéo, les films et tout ça, c'était associé à l'humour. Il y avait quelque chose de rigolo dans tout ce que j'ai fait Lego, les jeux vidéo, les dessins animés, etc. Et en fait, il m'a répondu, ah bah non, c'est les entreprises qui font les jeux Lego qui décident, c'est marrant, en fait, c'est pas du tout une directive de Lego, quoi. Alors que moi, j'étais sûr que c'était, l'idée, c'est que Lego, c'est l'humour. Bah non, pas du tout. C'était l'anecdote. Bah du coup c'est cool parce que même dans les, je sais pas si vous avez déjà vu les séries animées Lego Star Wars, mais il y a vraiment un humour qui est vraiment proche de la parodie, hein. Ils se foutent vraiment de l'histoire de Star Wars, et du coup c'est peut-être justement lié au fait que ce soit un peu libéré, hein. ils soient pas obligés de faire comme ils veulent, enfin comme les responsables l'entendent. Du coup c'est plutôt cool. Ouais, c'est pas canon, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Il y a quoi, ils ont quand même il faut dire que tous les autres jeux sont pas très rigolos, donc ils ont raison quelque part de laisser aussi des jeux et des séries vraiment drôles, parce que sinon Star Wars souvent c'est assez sérieux et il se passe des trucs assez graves, donc ça me paraît important. Par contre, ça les a pas empêchés, mais on parle pas de jeux vidéo là, mais ça leur a pas empêché de mettre de côté la série des Tours là, quand Disney a racheté Lucasfilm, qui était une série qui se foutait vraiment de la gueule de Star Wars. Et là, celle-là, on l'a jamais vue pour l'instant, on attend toujours de la voir. Alors qu'il y a une cinquantaine d'épisodes qui sont prêts, quoi. Il me semble qu'ils vont ressortir. Ils vont sortir. Ouais. Je crois que j'ai vu passer un truc dans le genre. J'espère, hein, putain, que j'attends. Ça fait un bail. Je regarde, mais il me semble que j'ai vu un truc dessus il y a quelques semaines, et je me suis dit, ah, cool. Parce que depuis le temps, ça fait 10 ans que ça a été annoncé, quoi. Mais pour le coup, ça sera pas officiel, hein. Ah, ok. Ça sera pas officiel. Non, je pense pas. En fait, j'ai vu ça sur Facebook, et en gros, ils ont dit, ouais, on va enfin sortir ça, mais il n'y avait pas de mention de Disney ou de Lucasfilm. Ah, tu dis que c'est une news pas officielle, quoi. Ils vont surtout sortir la série gratuitement en mode fan série, tu vois. D'accord. Parce qu'ils pourraient la mettre sur Disney Plus maintenant. Ça aurait fait du contenu. Ouais, mais ça passerait pas sur Disney Plus, les blagues. Enfin bon. C'était une des seules séries de jeux vidéo rigolotes Star Wars, quoi. Parce qu'il n'y en a pas non plus des masses. Hein. C'est pas KOTOR qui était rigolo. Mais là, en tout cas, on en parle. Moi, je suis en train d'halluciner. J'ai dû revoir ma timeline. Mais c'est incroyable le nombre de trucs qui sont sortis début 2000. Je pensais que la plupart des trucs étaient dans les années 90. Mais c'est assez hallucinant. Est-ce que je voulais y venir, justement? Est-ce que ça là, enfin, est-ce que Pierre, est-ce que tu as des. Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, ils validaient un peu tout ce qui passait. Parce qu'on a eu des trucs. En termes de lore ou en termes de qualité? Les deux, hein, parce que dans les années 2000, on a eu très vite, on va les faire très vite. On a eu Super Bombad Racing, je sais pas si quelqu'un se souvient ici. Non, je l'ai découvert. C'est Mario Kart. C'était un jeu de course, une espèce de Mario Kart avec les personnages qui étaient super déformés. C'était le jeu final de Lucas Learning, qui était en fait un autre studio interne. Ah, Lucas Learning, on va en parler de ça, je crois. Et ils avaient fait des jeux, et c'était le dernier qu'ils ont fait, vite. Qui a été édité par LucasArts, mais en fait, ils ont fermé juste après. Non, merde, parce que du coup, on a eu aussi le fameux Obi-Wan, il y a eu, à l'époque, on a eu le Flight of the Falcon sur GBA, je crois qu'il était dégueulasse, une espèce de jeu de vaisseau avec le Faucon Millenium. Ça, c'était pas LucasArts. On a eu Lethal Alliance, je sais pas si quelqu'un a joué à Lethal Alliance. Ah oui, mais ça, c'était beaucoup plus tard, ça, c'était à la fin des années 2000. C'était Ubisoft. C'est à fin des 2000. C'était Ubisoft, ouais. C'était 2006. C'était 2006, de prévenir. Et c'était Ubisoft, mais c'était pas LucasArts. Ouais, c'était Ubisoft, ouais. Mais il y en avait. Mais du coup, justement, est-ce qu'il laissait pas un peu tout le monde faire ce qu'il voulait dans les années 2000 avec la licence? Bah non, il y avait des gars qui décidaient, mais le problème c'est qui décidait. Le problème c'est que, alors là, en ce moment là, hein, les gens ils aiment bien critiquer Kathleen Kennedy, mais il faut voir un peu l'histoire des choses. Avant elle, il y avait Micheline Cho, qui était la directrice de Lucasfilm. Je peux vous dire que dans les interviews que j'ai fait, il y a des gens qui sont très politiquement corrects, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Et la directrice de Lucasfilm avant, elle n'était pas du tout appréciée parce qu'elle prenait des décisions toujours dans le sens de la thune, jamais de la qualité des produits, et encore moins du respect des salariés. En faisant des promesses d'action, enfin bon, c'est encore des détails, mais il y a plein de trucs qui sont passés justement parce que l'idée c'était de maximiser la thune, quoi, au détriment. Après, ça a changé parce qu'il y a eu plusieurs présidents de LucasArts. En fait, pendant longtemps, il y a les mêmes gars qui sont restés présidents de LucasArts dans les années 80-90, et ça a changé vers 87-97, il y a un mec qui est arrivé qui a décidé qu'il allait faire des jeux de la prélogie, jusque la logique. C'est pour ça qu'au tout début des années 2000, il y a pas mal de jeux un peu moyens comme Démolition, etc., qui sont passés entre les mailles du filet. Mais globalement, il y avait quand même pas mal de bons jeux. Et puis là, arrive un autre mec qui décide de... parce que LucasArts va surtout publier des jeux développés par d'autres qui sont connus. Oui, c'est ça. Grâce à ça, on a eu KOTOR ou Battlefront, etc. Mais ça fait beaucoup trop de jeux. Et là, il y a encore un autre président qui est arrivé, qui a viré quasiment tout le monde. On parle de 75% de la masse salariale. Merde. Genre 300 personnes sur 450, un truc comme ça. Et il a décidé de... Pourquoi pas, c'était aussi une stratégie éditoriale, de se focaliser sur certains jeux, ce qui nous a permis d'avoir, au final, beaucoup plus d'années plus tard, The Force and the Shed. Mais en fait, il y avait une idée aussi, quand même, qu'il y avait plein de jeux qui étaient des jeux qu'on offre à un public pour donner du Star Wars. Et il y avait des jeux stars qui eux, avaient vraiment toute l'attention, on va dire, des décisionnaires. Comme, en fait, The Force Unleashed, c'est un jeu qu'ils ont commencé à réfléchir dessus en 2003, c'est-à-dire 5 ans avant. D'accord. À côté, il y a eu l'Alliance, ils l'ont filé à Ubisoft, LucasArts n'a rien fait. Ils ont inventé du lore dans le lore qui a été rajouté, quoi, mais c'est pas un jeu qui était destiné à un grand succès, puisque ça est sorti que sur PlayStation Portable, il me semble. PSP et PSP, oui, PS, ouais, je crois. PSP, et si, PS aussi. En tout cas, il y avait une politique, mais ça veut pas dire forcément que l'idée était que tous les jeux soient parfaits, parce qu'il fallait aussi respecter les délais, et puis... Oui, mais voilà, il y avait un petit relâchement, elle est plus que dans les années 90 vis-à-vis de la licence, quoi. Bah, les années 90, c'est très différent aussi. Les années 90, il n'y avait pas vraiment de lore. Cette semaine, je me suis intéressé aux années 90, justement, pour voir à quoi ressemblait l'ancêtre du Story Group. Et puis, il n'existait pas. Il y a un mec qui avait des feuilles chez LucasArts, qui était fan de Star Wars, qui notait les trucs qu'ils inventaient au fur et à mesure pour ne pas se tromper dans les jeux d'après. Qui lisait les romans et les comics, etc. T'avais un autre mec qui travaillait chez Lucasfilm Publishing, je crois, ou Licensing, qui lui, pareil, vérifiait que ce qu'ils inventaient pour chez The Empire n'allait pas à l'encontre d'autres choses. Mais c'est que à partir de 97-98 qu'ils ont vraiment commencé à avoir un système de lore. Là, il y a, je pense que vous le connaissez tous, Lilanchi, qui fait toujours partie du Story Group, qui est arrivé, qui a fait son célèbre Holocron. Et en fait, il a commencé à LucasArts. J'ai discuté avec lui il n'y a pas très longtemps. L'Holocron, à la base, c'était à la fois donc le lore qui était, on va dire, récolter pour voir tout comme une encyclopédie. Et d'un autre côté, c'est parce qu'il était testeur à l'origine pour LucasArts, et donc il y avait aussi les fiches de QA, quoi, de tests, etc., de review avant que les jeux sortent. Il a travaillé notamment sur The Phantom Menace, dont on parlait tout à l'heure. Et après, il a rejoint Lucasfilm en tant que tel, et il a continué à développer l'Holocron. Donc c'est que avec l'arrivée de la prélogie que vraiment là, il y a eu l'idée de faire un... Enfin, c'était déjà le cas avant, mais là, ils ont mis les données, les moyens pour vraiment que le lore soit super respecté. Après, c'est une partie en plus, puisque effectivement, il y avait tellement de produits Star Wars que ça se marchait sur les pieds entre les romans République Commando, les romans de... comment ça s'appelait Parce que pour le coup, même justement, au piratoire, enfin, surtout l'addon qui est sorti un peu après, il part complètement en sucette, du coup, même. Ça, c'est des jeux à histoire, mais on va dire... tu sais, à l'époque, il y avait plusieurs niveaux de canon, et le canon jeu vidéo était moins fort que le canon film. Et en plus, on peut... Ça, c'est pareil, c'est l'idée que les jeux stratégie n'étaient pas dans le même canon, par exemple, qu'un jeu d'aventure, comme Jedi Knight, parce que c'est un jeu de stratégie, alors il peut y avoir plein de débouchés différents. Oui. C'est pour ça que... Là, juste aller jusqu'à créer des persos et puis toute une nouvelle faction. C'est pour ça que 2014, finalement, quand ils ont décidé de tout remettre à plat, c'était aussi une bonne chose, parce que ça partait dans tous les sens, ils avaient plusieurs niveaux de canon, il y avait des personnages, oui, selon les trucs, ils étaient... et puis ils avaient trop de choses, quoi. Non, oui, ça, c'est pour le coup, c'est un truc, ça devient une constante sur, c'est un truc dont on a parlé plusieurs fois dans les différents épisodes qu'on a pu faire jusque là. Je propose qu'on avance encore un petit peu pour terminer justement sur toute cette période, voilà, Je vais juste préciser un truc, par rapport à ce que j'ai dit sur Star Wars Détour, prenez ça avec des grosses pincettes parce que je retrouve absolument pas d'infos, mais j'ai juste vu passer une vidéo sur Facebook et je la retrouve plus, mais il me semblait que ça arrivait bientôt, mais alors je dis peut-être des grosses conneries, donc faites attention et vraiment ne prenez pas pour argent comptant ce que j'ai dit. Okay. Bon, bah, nos auditeurs font la part des choses, hein, ils font leur recherche, mais voilà. Un style de jeu dont on n'a pas trop parlé jusque-là et qui justement un peu clôt cette période-là, c'est tout ce qui va être les RPG, vous en avez déjà un petit peu parlé, c'est les KOTOR. Faut quand même qu'on dise un mot là-dessus. Même si. Oui. Je veux pas t'embêter, je sais que tu maîtrises un peu l'horloge, mais juste, est-ce qu'on a deux secondes pour un petit mot sur Bounty Hunter Commando? Ah non, Bounty Hunter, il est plus vieux, Bounty Hunter. Bounty Hunter est plus vieux. Mais Bounty Hunter, c'est pas la première fois que j'en parle, mais je l'aime beaucoup. Il est un peu cassé, mais il est quand même très fun niveau lore et gameplay. Je propose qu'on dise un mot sur Bounty Hunter, parce que je sais que tu l'aimes vraiment beaucoup, mais on va peut-être passer sur Republic Commando, malheureusement. Mais vas-y. C'est sympa, Republic Commando, parce que c'est un FPS un petit peu sombre pour l'époque, c'est un des rares. Et en plus, on a une petite trace de ça dans Clone Wars. Ça reste cool et il fonctionne sur les PC modernes, c'est un petit peu compliqué honnêtement niveau résolution et tout, mais ça reste intéressant à faire. Ouais, c'est un bon jeu. Et il est vraiment pas dégueu, il est très nerveux, Republic Commando, il passe encore très bien maintenant si on arrive à le faire fonctionner. Mais Bounty Hunter, alors moi j'ai joué sur GameCube à l'époque, j'étais gamin et pour moi c'était quand même assez fou parce qu'on avait, comme je l'ai déjà dit je crois dans l'autre épisode, on a vraiment des niveaux un petit peu semi-ouverts. Ouais. Et on pouvait aller d'un mec à l'autre comme ça, scanner, voir s'il était recherché ou pas, est-ce que je le capture, est-ce que je le descends pour avoir la prime un peu, j'ai une petite fiche avec un petit peu ce qu'il a fait, et puis à côté de ça, il y a quand même une trame principale qui était assez intéressante. Ah, Bounty Hunter, c'est un des trucs que j'ai préféré de l'attaque des clones, tu vois. Grâce à ce film, j'ai eu Bounty Hunter, tu vois, c'est un peu le principe, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Bon, en plus, on a toute une phase où on récupère le Slave One. Mm-hmm. On joue Jango Fett, voilà, effectivement. En plus, à l'époque, c'est venu foutre en l'air complètement le canon, je crois, parce que Jango Fett avait déjà récupéré le Slave One autrement. Ou Boba, à l'époque, en tout cas. Mais non, il était pas moche visuellement, très sympa parce que du coup tu parcourais des niveaux comme je disais semi-ouverts mais sur différentes planètes. Donc là pareil, plein d'environnements très cool. J'ai des bons souvenirs, bon, c'est pas original mais j'ai des bons souvenirs de Coruscant notamment qui était vraiment vraiment fun. Et puis comme dit hein, globalement même s'il y avait un chemin à peu près déterminé, tu pouvais quand même un peu le parcourir dans le sens que tu voulais. En tout cas au rythme que tu voulais et c'était vraiment sympa. C'est, oui, clairement, de la période, c'est un des meilleurs souvenirs de la période de la prélo, en tout cas, l'épisode 2. Oui. Après, c'est sûr que, de l'attaque des clones, ce que je remercie encore plus, c'est pour Republic Commando. Parce que Republic Commando, lui, je le conseillerais plus à ceux qui, de maintenant, qui veulent découvrir un vieux jeu Star Wars, qui est beaucoup plus accessible. Déjà, il est plus facilement accessible puisqu'il est en vente sur GOG et Steam maintenant. Voilà, oui. Mais en plus, il est, ça, c'est quand même un FPS, certes en équipe, enfin en squad. Il est, je trouve qu'il complément, enfin, comme il se passe juste avec la guerre des clones, etc. Et puis effectivement, comme tu disais, il était sombre. Ça, c'est un jeu que je conseille. Et personnellement, c'est le dernier jeu que j'ai vraiment aimé de LucasArts. Et puis pour le coup, en plus, LucasArts fait des hommages à ses propres œuvres, vu qu'on les retrouve en classe jouable dans le Battlefront 2, le nouveau, celui qui est sorti. Il a été ajouté. Il y a même un commando. Enfin, c'est pas un des personnages du jeu, mais il y a un commando avec la même armure, donc le noir dans la série. C'est exact. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Il y a plein de petits clins d'œil. Il y a même une série de romans, je crois, autour de ce jeu. Oui, qui avait été elle-même et qui avait à l'inverse Clone Wars qui avait rendu hommage. Mais à l'inverse, la série de romans qui commençait avec les Republic Commando de Travis, je sais pas quoi, Karen Travis, elle-même, elle avait inventé tout un lore sur Mandalore, justement, et qui avait été complètement écrasé à la fin des années 2000 par The Clone Wars, les épisodes sur Mandalore, et les fans, ils avaient fait une la gueule énorme et tout. Et après, ils ont fait aussi les clins d'œil, effectivement, sur les arcs trop forts, etc. Mais ça avait été je sais pas si vous avez vécu ça, mais ça a été une tragédie pour les passionnés de Mandalore, parce qu'ils avaient bousiller tout l'or qui avait été introduit dans les romans. Faudra en parler à Funelli, je pense que c'est plus calé que nous sur la question. Mais ouais, en plus, c'était un jeu. Alors, si je me souviens bien, il y avait toute une phase au début, une sorte de tweet de didacticiel où tu es sur Kamino, justement, où t'as les. Ou alors, il y a des espèces de flashbacks avec un généticien Kaminoin qui. Le début sur Genosis et tout. Qui te parle. Et puis ouais, et puis tout là, oui. Qui est vraiment. Est-ce que j'oserais dire qu'il y a une petite vibe un petit peu Warhammer dans le délire, je trouve. Sur la génétique et tout, sur les côtés. On a des clones qui sont entraînés avec des armures gigantesques et au niveau du côté un petit peu sombre comme ça, un petit peu pas glauque, j'irais pas jusque là, mais ça reste un jeu qui est quand même assez sombre. Il était vraiment vendu comme ça et tout. C'était un petit peu le jeu Star Wars mature, si tu veux. Ça sortait sur Xbox. C'était un FPS, c'était un peu vendu comme ça, genre. C'est pas pour les enfants. Vrai, effectivement, tu vois. Un jeu plutôt sympa, voilà, qui. Mais qui avait... voilà. Ouais, c'est non, ça. Qui avait plutôt une. Oui, voilà, que vous pouvez tester facilement. Je comprends, moi aussi, j'aimerais vraiment beaucoup continuer à en parler, mais malheureusement, on a encore pas mal de trucs à couvrir, notamment l'éléphant, voilà, dans. Galaxie. Qu'on est en train d'éviter depuis le début, là, que vous avez. Non Galaxie. Galaxie. Il faut qu'on parle de KOTOR. Il va falloir faire un épisode entier là-dessus, on peut pas ignorer KOTOR avant d'éventuellement justement continuer avec Galaxies, parce qu'on est tous les deux dans les deux cases dans des RPG. Sur la rédaction, sur l'équipe de Faucon Millenial, on est malheureusement assez unanime sur le fait qu'on a moyennement kiffé. On a pas kiffé parce qu'on y a joué récemment. C'est et possible. Il a mal vieilli. Je l'ai pas fait à l'époque. Mais à l'époque, ça devait être ouf, j'imagine. J'en avais marre, j'ai lâché l'affaire. À l'époque, c'était ouf. Le système de jeu, moi, je kiffais. Et puis, l'histoire, quoi. Et le monde, et Taris, et la révélation. Je me suis fait avoir encore une fois. Ah, excellent. Mais j'ai préféré, à l'époque, j'ai préféré deux persos. Tu as préféré quoi, pardon, j'ai pas compris. Le 2, KOTOR 2. Le 2. Ah, c'est marrant, j'entends surtout des gens qui disent l'inverse, je sais pas pourquoi, mais... Ah, KOTOR 1, il est très bien. Le problème, c'est qu'il avait été fait à l'arrache, ils avaient eu très peu de temps, un an et demi, je crois, pour faire... c'était Obsidian, en plus, c'était pas le même studio. Pour faire le 2, donc Obsidian, il manquait... c'est pas limité non plus, hein. Oui, bien sûr, c'était leur premier... Ils ont bien fait Rebel Strike en 9 mois, je vois pas où est le problème. Mais sorti avec du contenu en moins le 2, mais le 2 il avait un côté, le 1 il respectait hyper l'univers Star Wars, tu vois, c'est 4000 ans avant les films, etc. Le 2 il parlait de qu'est-ce que c'est être un Jedi, et le côté obscur, l'équilibre de la force, qu'est-ce qu'un Jedi gris, tu vois, il y avait tout un truc sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de manichéisme, des concepts un petit peu plus poussés, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai retrouvé presque dans l'esprit dans The Last Jedi, ça allait un peu plus loin que le truc habituel. Mais The Last Jedi fait référence à KOTOR d'ailleurs. Oui, il y avait un. Je crois que c'est dans la carte chez Luke. Ouais. Ah, ok. Ah, ça c'est mais, intéressant. Moi, les KOTOR à l'époque, j'avais adoré. Après, c'est sûr qu'il faudrait que je les refasse maintenant pour voir. Je pense qu'effectivement ça vieillit. Moi je pense que le gameplay a un peu trop vieilli. Après c'est, le peu que j'ai fait c'était sympa, mais au bout d'un moment ça commençait à être un petit peu relou. C'est un petit peu rigide, voilà. Il y a quand même des possibilités de ouf. C'est dingue, on peut vraiment tout faire, mais voilà. Et puis moi j'aurais toujours du mal avec le fait qu'on me dise oh regarde, ça se passe 4000 ans avant ça et ils ont déjà les mêmes vaisseaux et les mêmes droïdes et les mêmes armes et la technologie est toujours la même. C'est sûr que s'ils avaient pris la DA d'Atlantistique de Tale of the Jedi qui se passe très peu d'années avant finalement, ça aurait été super différent quoi. Oui, c'est sûr, hein, mais il faut bien avoir les marqueurs Star Wars, je suis d'accord. C'est quelque chose. La technologie, elle a évolué énormément en 50 ans, et puis après, en 4000 ans, elle n'a pas bougé. Mais bon, c'est Star Wars, quoi. En fait, ça a toujours été un problème pour Star Wars, ça. Ce qui me frustre vraiment avec KOTOR, c'est que j'étais vraiment chaud pour refaire le jeu en remake, le remake s'appelait Ape Iron, qui était fait par un gars, un fan, en fait. Et malheureusement, Lucasfilm a fait annuler ce remake qui allait être gratuit, naturellement. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Mais comme je disais à Grushkov il y a quelques semaines, en fait, KOTOR, moi, ça m'intéresse pas tellement parce que clairement, déjà, j'ai aucune affinité avec l'univers Legends. Vraiment, ça m'intéresse absolument pas. Mais en plus de ça, comme je disais, Matt, c'est vieux, quoi. C'est vieux et en même temps, j'ai l'impression de voir quelque chose de plus avancé technologiquement que l'épisode 4, 5, 6, quoi. Donc vraiment, c'est pas, moi, ça m'attire pas, même si effectivement, l'histoire peut être cool. Je préfère un bon Mass Effect plutôt qu'un Star Wars comme ça, quoi. Le fait que ce soit plus avancé alors que c'est plus ancien, c'est pas non plus illogique. Il y a aussi, ça existe dans la science-fiction, c'est ce mythe un peu de l'âge d'or et qu'on a décliné depuis. Ça aurait pu se justifier. C'est la prélogie, quoi. C'est la prélogie, quoi. La prélogie, ça se déplace. La différence, c'est de que quelques dizaines d'années, alors que ça aurait pu théoriquement se faire. La civilisation super avancée et qui tombe en ruine et on sait plus trop comment faire les choses qu'ils faisaient à l'époque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'ils avaient pris l'univers visuel des comics Tale of the Jedi de début des 90 qui se passait juste avant, les dessins et tout, les décors et tout, ça fait un peu limite Moyen-Âge de Star Wars. Malheureusement, ils sont revenus vers la prélogie. À l'époque, ça m'avait pas du tout dérangé, perso, ce truc. Je voulais juste dire, c'est marrant que tu évoques Mass Effect, parce que je pense qu'à l'époque, KOTOR 1 et 2 ont eu le même impact qu'a pu avoir Mass Effect à son époque. J'en doute pas. Mass Effect, c'est encore Obsidian derrière, je crois, si je dis pas. C'est BioWare, Mass Effect. Ouais, mais Mass Effect, il aurait pu jamais exister sans KOTOR. New Vegas, notamment, et je sais plus. Ils ont fait Outer Worlds récemment, Obsidian, mais qui est pas mal d'ailleurs. Mais le Mass Effect, de toute façon, il aurait jamais existé sans KOTOR. Et quand ils ont fini KOTOR, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Mass Effect. Ils ont dit nous ce qu'on veut faire maintenant, on veut créer notre propre univers, ne plus être coincé par Star Wars. Ils ont fait Mass Effect. Moi aussi, hein, perso, je préfère Mass Effect, mais parce que déjà un c'est plus récent et parce que c'est génial. C'est vraiment bien. En tout cas, moi, je prends des risques. Je sais que j'en parle souvent, mais je prends des risques en disant que j'aime pas trop KOTOR parce que c'est BioWare, c'est Edmonton et c'est juste à côté de chez moi. Donc tout le monde adore KOTOR, là, notamment dans la communauté gamer de Calgary et Edmonton. Tu vas te faire casser la gueule en sortant acheter ton pain. Non, mais Twitter va nous tomber dessus. De toute façon, on lit du mal. Adore HK47 et tout, les vannes MDR. Mais voilà, encore une fois, on dit pas que c'est un mauvais jeu. Actuellement, le découvrir, c'est pas la meilleure chose, quoi. Même s'il y a un certain nombre de trucs qui a été mis en place par les fans, alors c'est plus des trucs esthétiques, voilà, si vous voulez des jolies textures et tout. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une communauté qui existe encore. À la fin de l'émission, les gens ils vont dire faut pas qu'on teste KOTOR, faut qu'on teste The Phantom Menace. Et là, je me dis non, je vais lutter contre ça, jouer à KOTOR plutôt. Star Wars Racer, justement, c'est pour ça qu'on dit Rogue Squadron, Racer, tout, c'est facile parce que tu lances, tu es dedans, on a rien. Alors que forcément, KOTOR, faut rentrer dedans, faut assimiler. Disons que les jeux d'arcade, ils ont pas changé, quoi, alors que le RPG a énormément évolué. C'est plus dur que. Il y a de ça, ouais. Il y a ça aussi, oui. Mais en tout cas, et puis un autre aspect du RPG qui a commencé à cette époque-là, c'est Star Wars Galaxies. Le début, évidemment. J'ai eu la chance d'y jouer ici. MMORPG, moi j'ai une question, moi non. Moi, je. Mais... Moi non plus. Mes parents n'auraient jamais payé des sous pour me faire jouer aux jeux vidéo. J'avais pas un PC à l'époque capable de lancer le jeu et j'avais pas de connexion internet capable de supporter le jeu. Et je bavais en lisant des magazines qui parlaient de ce putain de jeu. Ça avait l'air ouf. Moi, j'étais comme un fou et j'ai jamais pu y mettre la main dessus. Ouais. Donc, c'est ton cas, Pierre, peut-être? Non, c'est pas mon cas parce que les mémos m'intéressaient pas du tout à l'époque et toujours pas maintenant. Après, okay. maintenant, là, je vais essayer bientôt, là, cette année, il y a des gens qui ont mis un serveur en place avec l'ancienne version du jeu, et j'aimerais bien aller voir, à quoi ça ressemble. Parce que, un truc que j'ai... Vas-y. Il faut savoir un truc sur ce jeu. Oh, attends, j'avais une anecdote d'abord, parce que tu me l'as rappelé, là, avec ton histoire de collection internet. X-Wing versus TIE Fighter, 1997, donc le troisième de la série des simulateurs. C'était un jeu qui était prévu que pour le multijoueur. D'accord? C'était que du multijoueur. Je l'ai acheté, et j'ai jamais réussi à le faire tourner parce que ma collection était trop pourrie, quoi. J'ai attendu l'extension qui s'appelait Balance of Power. C'était osé de lancer un jeu exclusivement multijoueur en ligne. Ouais, mais j'espérais qu'il joue en ligne, mais j'avais pas encore la DSL à l'époque, etc. Bah, on avait parlé de Habitat au tout début de l'émission et il me semble qu'il avait le même problème. Il demandait une trop grosse connexion pour la plupart des gens. C'est sûr, ouais. Mais donc ce qui fait que moi j'avais attendu, j'avais un jeu devant moi, je pouvais pas y jouer, j'ai attendu l'extension qui a dû arriver genre 9 mois plus tard pour avoir une campagne solo. Et en ce qui concerne Galaxy, c'était super intéressant, c'est que y a vraiment une grande communauté de gens qui regrettent ce jeu qui a été remplacé par The Old Republic en 2011. Et les gens ils regrettent surtout la première version du jeu parce qu'au tout début, oui, c'était trop bien. Au tout début, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais être je sais pas moi construire des armes ou être un barman, un serveur, ce que tu voulais. Un musicien. Et t'avais très peu de chance d'être un Jedi. Il y avait un seul Jedi, c'était trop bien. Vraiment un pourcentage tout petit. Et après, comme beaucoup de gens râlaient, parce que les gens râlent toujours, parce que les fans de Star Wars, ils ont fait un truc qui s'appelait NGE, je sais plus ce que ça veut dire. C'était une mise à jour complète, quoi. Une refonte du jeu, comme ils vont faire avec Anthem, là, ou un truc comme ça. Et là, pour le coup, quasiment tout le monde peut devenir Jedi. C'est du n'importe quoi, et il y a tous les gens qui aimaient bien le côté au début village Star Wars, et ben ils sont partis. Quoi. Mmh. Ouais, après, c'est un truc que j'ai entendu sur la plupart, venant de la plupart des joueurs, c'est que ce que les gens aimaient bien, c'est que c'était ce genre de MMO où les gens créent un peu leur propre contenu, un petit peu à la EVE Online, ouais, où les gens vont se créer des rôles, et tout le monde va se dire, bah, on va dire que moi je suis un gentil ou je suis un garde. Bah, c'était, il permettait vraiment le RP. Hein. Je pense que le RP, voilà, c'est exactement ça. Qui parlera qu'au plus vieux ici, mais pour moi, il avait vraiment un petit côté Ultima Online. Bon, plus récent, c'est en 3D, mais à l'époque, quoi. Enfin, il y avait vraiment ce côté, voilà, comme tu dis, hein, moi je dis que je suis marchand, machin, et toi, ok, bah. Vraiment, tu faisais ce que tu voulais dans l'univers Star Wars, quoi. C'est. J'ai envie de jouer un Rodien barman, comme tu disais, sur Tatooine, bah vas-y, pas de soucis, quoi. C'était un jeu de rôle, quoi, tout bêtement. C'est vrai que c'est un truc qui existe de moins en moins, pour le coup, là, ouais. Voilà, un jeu de rôle où vraiment un jeu de rôle au sens propre du terme, parce que maintenant on parle de RPG, de jeu de rôle, mais c'est plus des jeux avec des feuilles de stats, c'est plus axé sur la stat que sur le roleplay. Alors que là, justement, bah, il fait un côté roleplay assez conséquent. Ouais, mais c'était trop de niche, quoi, en fait. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens ont besoin d'être guidés, ils veulent pas ce côté-là. Ils veulent mais à l'époque, c'était la grosse niche. Je veux dire, on parle d'un jeu qui est sorti avant WoW. Bien avant World of Warcraft, qui a complètement remis à plat tous les RPG derrière. World of Warcraft, c'est quoi? C'est pas 2000, c'est pas assez pour le second. Alors là. Pense qu'il est sorti avant, Galaxies. Hein. World of Warcraft, effectivement, World of Warcraft c'est 2004 et Galaxy c'est 2003. Ah, il y avait vraiment si peu d'écart entre les deux. Il y en a qui avait plus de 2-3 ans. C'est peut-être qu'il a vraiment explosé en France plus tard avec un peu de décalage. C'est parce que moi dans ma tête, il suivait un petit peu Ashran's Call et des jeux comme ça. Enfin, toute une lignée de premiers RPG MMO qui ont commencé avant WoW, qui avait une autre approche du MMO. Et quand WoW est sorti, il a vraiment tout remis à plat et changé pas mal de choses. Mais en tout cas, c'était clairement une autre philosophie en tout cas. En tout cas, il est sorti quoi, en 2003, mais j'ai trouvé les documents dès 2006-2007. Je crois que c'est 2006. LucasArts contactait déjà BioWare pour créer The Old Republic, qui arrivait qu'en 2011, mais très rapidement, ils ont décidé d'avoir un autre jeu quoi pour le remplacer quoi. Ah, ouais, donc ils croyaient pas trop au concept même, malheureusement. Bah, je pense qu'ils voyaient que les joueurs, ils restaient pas, ils étaient pas assez nombreux, quoi. Ils restaient pas, et puis comme dit, j'insiste, mais WoW était sorti entre temps, quoi. Bah, voilà, ouais. C'est sûr. Et donc, ouais, comme tu dis, c'était une autre philosophie du jeu qui était peut-être plus compatible avec l'époque. Bah, qui était une autre philosophie, puis ça a chamboulé tous les MMO de l'époque, ça a raflé des joueurs de partout, il y en a plein qui sont partis d'autres jeux pour aller sur celui-ci, et ça a ramené plein de monde qui jouait pas avant à ce type de jeu dessus. Donc pour l'époque, enfin, tu parlais MMO, il fallait forcément faire un équivalent à WoW si tu voulais rester dans le game, quoi. En plus, les fans réclamaient déjà à l'époque très vite KOTOR 3 dès 2005. Mmh. Pareil, ils se sont dit bon, on va faire un mélange, on va faire un MMO plus KOTOR. C'est ce que veulent les gens, et finalement, donc c'est devenu un jeu beaucoup plus dirigiste. Il y a aussi ça, il y a aussi l'attente des fans, quoi. Moi, je vois, il y a encore des gens qui me demandent quand est-ce qu'il arrive KOTOR 3 en croyant que je suis le compte officiel, et je fais, mais arrêtez! KOTOR 2 est sorti il y a 16 ans, quoi. C'est pas le fleuve, quoi, merde. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Mais vu que t'en parles, je propose avec la gueule de BioWare maintenant, en plus, vous voulez pas qu'on l'ait KOTOR 3. Mmh. Voilà, KOTOR 3, ils ont, n'empêche que je crois que j'en suis à officiellement 3 ou 4 fois qu'ils ont essayé de le faire. Il y a une pré-production qui a commencé. Ah ouais? Et j'ai plusieurs. Il y en a au moins une, la première fois où j'ai les concept art. Mais je sais que depuis, deux, trois fois à BioWare, ils sont lancés dans un KOTOR 3, soit en vrai projet officiel où ils ont fait la pré-production, soit c'est juste une partie de l'équipe qui a essayé de faire un prototype et puis c'est pas allé plus loin. Mais il y a pas longtemps, encore une fois, et là il y a encore une rumeur en ce moment même où ils préparaient une nouvelle version de KOTOR. Bon, c'est jamais fini, quoi. Mais en tout cas, vu qu'on en parle, je propose qu'on continue là-dessus, vu qu'on va doucement glisser vers la période, peu la post-trilogie, les dernières années indépendantes, donc on peut continuer un petit peu justement sur The Old Republic, le MMO qui a suivi Galaxies. Pardon, vas-y. Non, moi, c'est un truc que j'ai découvert sur le tard. Moi, j'y ai joué qu'à partir du moment où le jeu est passé en free-to-play. Mais pour le coup, c'est vrai que oui, c'est plus du tout le même délire. Là, on est vraiment, on est presque sur un jeu qui, alors c'est peut-être une évolution, c'était peut-être pas comme ça à l'époque de la sortie du jeu, mais on est presque un jeu en ligne qui ne nécessite pas de jouer avec des gens. Ouais, c'est ça, c'est KOTOR en fait. Voilà, c'est KOTOR, et puis il y a des gens qui jouent en même temps à KOTOR à côté de toi. Voilà, c'est ça. N'empêche que, en faisant ça, ils ont bien réussi parce que mine de rien, là, il a 9 ans le jeu. Mmh, et ouais. Il est toujours mis à jour. Donc, on y jouait. Il y a deux ou trois semaines avec des gens du podcast là. Donc, moi, ce qui me fait rire, ça se vide un peu, mais ce qui me fait rire, c'est que c'est le dernier vestige de Legends, puisque il se passe l'univers Legends. Il est toujours mis à jour. Donc, en fait, j'avais pensé à ça. Tiens, il reste encore un bout de l'époque pré-Disney qui existe. Quoi. C'est marrant. Dernier refuge. Tu m'assures, Pierre, que c'est le légende, enfin que KOTOR, tout ça, c'est dans légende. Ils vont pas nous sortir dans 2 ans. En fait, c'est canon. Non, ils vont pas. Par contre, comme beaucoup de gens réclament, il est très possible qu'ils sortent effectivement un nouveau KOTOR. Moi, ce que j'espère pas, c'est que ce sera un KOTOR copié-collé et qui serait officiel cette fois-ci, mais genre le même jeu version moderne. S'ils font un nouveau KOTOR, que ça sera une nouvelle relecture. Pour l'instant non, KOTOR en lui-même, le jeu n'est pas est légende. Après, ils peuvent très bien récupérer, on a bien vu, il y a déjà des éléments de KOTOR qui sont canons maintenant, comme Raven est canon maintenant. Ah bon? Par contre son histoire n'est pas canon, son existence est canon, elle a été mentionnée dans plusieurs trucs, mais je crois pas que le secret de KOTOR, le truc secret du jeu est canon, il me semble pas, je vais l'avoir lu quelque part. Après, c'est pas impossible, si vraiment il continue dans cette idée de sortir une suite, c'est pas impossible qu'il pique quelques éléments les remettre dedans. Comme le reste, quoi. Je suis un peu agacé par cette méthode de Lucasfilm de piocher des éléments sans pour autant les... Non, moi j'aime bien. Ouais, en fait, ça permet de contenter tout le monde. Ouais, mais en fait, ce qui m'ennuie, c'est que vraiment, enfin, du coup, comment on est censé savoir si, comme tu disais, Pierre, Raven est canon, enfin, en tout cas, son histoire est canon. Est-ce que finalement, l'ancien Raven, c'est pas du tout la même personne? Mais on n'a pas besoin de le savoir. Pourquoi prendre Raven? C'est ça le truc. Tu vois, enfin, on n'a pas besoin de le savoir. Pour moi, il est canon dans ma tête parce que j'ai fait KOTOR et parce que j'aimais bien cette histoire. Mais ça a aucune importance, ce canon ou pas, c'est un univers fictif, peu importe, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, c'est ma perception du canon. C'est, Ok, regarde, ça marche avec Thrawn dans Clone Wars aussi, hein. Thrawn, bah, on en sait plus déjà, oui, donc c'est un peu plus compliqué. À la limite, on choisit s'il y a des trucs, il y a des trucs qui sont hyper lointains comme ça. Moi, perso, bah, oui, c'est canon, tout se voit, mais ça a aucune incidence sur le reste, donc, peu importe, quoi. Tout cotorec. Oui, c'est vrai, tu me diras pour le coup, ouais. Ils prennent des trucs cool de l'ancien lore pour en faire des trucs mieux. Et vous avez vu, vous avez vu? Généralement. Bah, j'espère, ouais. Et je sais pas, même vous avez Ben vu Solo, le de toute manière, c'est, ça vient de l'ancien canon, donc, ils l'ont réactualisé. Le nom, oui. Oui. Et puis la filiation. Oui. Mais vous avez vu le dernier Clone Wars? Oui. Encore un jour. Non, là. Bon, non, bah, non, en tout cas, il y a un truc pareil, tu vois, on s'en fout, en fait, de savoir si il y a un truc qui était là avant, qui existait avant ou pas, on s'en fout si l'histoire des anciens, c'est pas la même que d'anciens bouquins, etc. C'est juste un clin d'œil dans ce genre de choses. Et, pourquoi pas, que dans l'univers Star Wars, l'univers légende porte bien son nom, je trouve. C'est des légendes et des choses peuvent être vraies, des choses peuvent être fausses tant que ça remet pas en cause. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, j'ai pas vu ça comme ça, ouais. Hmm. Bah en tout cas, pour revenir à The Old Republic, un truc qui, comme on a dit, qui était très différent par rapport à Galaxy, c'est cet aspect, la possibilité de jouer tout seul. Et finalement, ça joue autant pour que contre le jeu, parce que c'est peut-être ce que les gens voulaient. Mais d'un autre côté, ça fait que le jeu devient très vite répétitif et finalement assez chiant. Notamment quand on atteint le niveau maximal. Moi, je sais que j'ai au moins un perso qui est maximal en mode free to play et je suis loin d'avoir fini l'histoire parce que je trouve plus d'intérêt en fait. J'y suis retourné récemment uniquement parce qu'il y a des gens du podcast qui ont proposé de jouer ensemble et c'était le seul moyen que j'avais pour avoir encore du fun sur le jeu. Bon, après, les scènes cinématiques sont belles. Oui. Ah ouais, non. Et puis le fait que tout soit doublé, je crois que, je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque de la sortie, c'était le jeu avec le plus de... Ils avaient 300 lignes de doublage, 300 lignes de texte doublé, c'était le record, toute catégorie. C'était un sacré argument promotionnel qu'ils ont répété 1000 fois. Mm-hmm. Ah oui, il est vachement bien en avant de mémoire. Ouais, mais du bon doublage pour le coup. Là, on n'est pas dans la menace fantôme. J'ai pas touché parce que après mes années WoW, je me suis juré de plus toucher à un MMO. Non, ça peut se comprendre. Ouais, il y a des moments, il y a des trucs sympas, franchement. Déjà, le fait que j'ai réussi à monter un niveau maximal, pour moi, ça, au niveau maximal, ça montre que le truc était quand même assez rigolo à ce moment-là. J'ai réussi à trouver la motivation. Mais après, toute la phase endgame, trouver de l'intérêt après avoir atteint le niveau maximal, c'est peut-être parce que j'ai un peu moins l'habitude de jouer au MMORPG et puis que j'ai pas vraiment une bande de potes qui est vraiment dedans pour être constamment dessus. Ça, pour le coup, c'est peut-être un peu plus foiré. Je pense qu'un jeu à histoire, et finalement c'est un jeu à histoire, hein, même si c'est un MMO, un jeu à histoire a besoin d'une fin pour être... Moi, j'ai besoin que les jeux soient pas super longs, donc déjà les MMO... Infini ce truc, le temps que... Je crois que je devais être au chapitre 2 de l'histoire et j'étais au niveau maximal. Donc, j'ai pas farmé le truc plus que nécessaire. Hein, et j'étais en mode free to play, donc j'avais une pénalité de points d'expérience. Donc le jeu est infini. Ah bah, quitte à faire du online, tu vois, vraiment le online c'est pas trop mon truc. Je parle des histoires solo ou les jeux de stratégie. Mais quitte à faire du online, à l'époque, moi je jouais plutôt à Battlefront qui était plus. Tu fais une partie et voilà, tu vois, t'en as pour une soirée et après tu joues plus au jeu pendant un mois, mais tu te sens pas obligé de revenir pour continuer comme dans The Old Republic, quoi. Ah non, complètement, ça oui, The Battlefront, le Battlefront et surtout le deuxième, j'ai pas joué au premier, celui de 2005. J'y ai joué vraiment beaucoup. Même après que les serveurs aient fermé, il y avait des gens qui avaient des serveurs sur d'autres services type Game Ranger qui permettaient de continuer à jouer et qui étaient quand même bien fréquentés. C'était vraiment très très rigolo, ça, franchement. Et j'imagine que vous aussi vous y avez joué, Matt et Adrien. Tardivement pour ma part, sur des serveurs justement comme ça, non officiels, mais sympa sans plus, perso. Enfin, je m'amusais un petit peu, mais je passais pas des heures non plus, quoi. C'est pas toi tout à l'heure qui disait que t'avais aimé The Clone Wars? L'attaque des clones, comme tu disais? Ah bah, c'est différent. Mais c'est que c'est la même équipe qui a fait le jeu, en fait. C'est leur jeu suivant. Ils ont fait The Clone Wars, puis ensuite Battlefront et Battlefront 2. C'était Pandemic, les deux qu'ils avaient fait. C'était Pandemic. Ah ouais. En fait, ils ont eu le contrat pour faire les Battlefront pour accompagner la sortie en DVD, tu sais. Ils avaient fait une grosse opération commerciale en 2004. C'était Battlefront le même jour que la sortie en DVD de la trilogie originale. Et en fait, ils avaient eu le contrat, genre, même pas 2 ans avant, parce que The Clone Wars avait assez bien fonctionné avec LucasArts. J'ai pas joué à la sortie parce que j'avais pas la thune, je crois, pour acheter un jeu PC, ou alors c'était ma bécane qui était trop mauvaise. Bon, moi aussi, j'ai sauté le jeu directement au 2. J'ai surtout joué sur console et surtout joué, du coup, à ce que j'avais sur GameCube, quoi. Bah le 1, j'ai toujours entendu que voilà, était pas ouf. Je crois qu'il est même pas disponible sur les magasins en ligne, sur les vendeurs en ligne. Bah, faut dire que le 2, c'est le même en mieux, quoi. De toute façon, voilà, il sort exactement un an après. Donc en tout cas, le Battlefront de 2005, voilà, vraiment très classique pour les FPS de l'époque. Des modes, voilà, de deathmatch, de capture du drapeau, des trucs avec des points de commandement à capturer, et si tu captures tout, c'est toi qui gagnes. Les batailles spatiales. Les batailles spatiales qui étaient très très cool, tu as tout à fait raison, Adrien. Avec pas mal, avec des vaisseaux de différentes classes, voilà, genre si tu veux aller flinguer de l'autre vaisseau, ou si tu veux plutôt te concentrer sur les objectifs. Et puis un mode conquête galactique qui était plutôt sympa avec un système de bonus qu'on gagnait en chopant des points. Tu pouvais avoir plus de héros ou avoir des renforts. C'était de la tactique vraiment de base. Hein. Il y avait vraiment pas beaucoup de stratégie. Il fallait juste assurer pendant les phases de bataille planétaire. Mais c'était vraiment très très sympa pour le coup. Et là, et même maintenant qu'on a déjà justement les nouveaux Battlefront qui sont sortis, il y a encore une communauté active qui essaye de maintenir le jeu, de proposer des nouveaux shaders, des nouvelles textures pour que le jeu soit encore agréable à l'œil maintenant. Donc ça prouve que le jeu a quand même réussi à fidéliser un certain nombre de gens, même voilà, 15 ans après la sortie du jeu. Ah bah, trop cool. Mais pour le coup, je suis un peu d'accord avec Matt. Hein, moi, j'ai rejoué avec toi, Ximnute, il y a quelques semaines, et c'était bien, mais en fait, vraiment, c'est pas le jeu auquel je jouais quand j'avais 10 ans, quoi. Ok, ouais. Enfin, j'ai moins d'affect, et vraiment, je m'amuse moins maintenant qu'à l'époque sur PS2 avec des manettes. Oui, moi aussi, je trouve ça moins fun maintenant qu'à l'époque, ça, c'est certain. Surtout maintenant que j'ai goûté au nouveau. Il y a les nouveaux, quoi, surtout. Mmh. J'aurais pas joué sur console à l'époque non plus. Enfin, je veux dire, viser à la console, ça reste une purge absolue. Alors, par contre, il y a un truc sur lequel le 2005 est largement supérieur au 2017, c'est que le 2005, j'arrive à survivre plus de 30 secondes dans le jeu, même contre des gens un peu doués, parce que le 2017, voilà, ils sont trop rapides, je me fais bolosser en quelques secondes, c'est dur d'avoir super du dur, fun. Hein. Je suis d'accord avec toi, le 2017, le peu qu'on y a joué ensemble avec l'équipe du podcast, c'était vraiment les modes pour lesquels on rigolait le plus, c'était vraiment les modes avec les Ewoks sur Endor. Ah, j'ai trippé aussi. C'était génial. C'est le seul mode de jeu auquel je rigolais, quoi. Justement, moi, je l'ai pas lancé le dernier parce que j'ai une bécane pourrie de nouveau et j'ai pas les moyens de le lancer, mais c'est vraiment un des modes. C'est bien, tu peux jouer à celui de 2005. Ah, le 2, du coup, oui. Les modes Ewoks, c'était super fun et trop rigolo et tout. Mais par contre, le coup, moi aussi, je mourrais tout le temps jusqu'au moment où je me suis mis en snipe. Tu te mets loin. Peut-être pour tenir plus de 30 secondes, pour accumuler les points, et là tu peux avoir des meilleurs persos, et après tu meurs moins en fait. Je crois que j'ai compris le truc pour pas mourir en trop vite, mais j'y joue pas beaucoup non plus. Hein. Ben moi aussi je joue surtout sniper, mais même ça c'est chaud. À mon avis, c'est surtout moi qui suis pas très très bon, hein. Faut pas se voiler la face. Non, c'est la même, ouais. Pour le coup, je suis vraiment pas fort. C'est pas moi mon style de jeu, mais j'ai du fun quand même dessus. Donc c'est... Voilà. Mais en tout cas, un truc qu'on peut pas lui enlever au 2017, c'est qu'il est absolument magnifique. Ah ouais, et puis le travail de la folie. Ah ouais. Voilà. Gros respect pour les modeleurs, ceux qui font les textures et tout, c'est vraiment Star Wars, quoi. Ah non, les musiques aussi, elles sont chouettes. Ouais. Des bons personnages, le personnage de Hayden Versio qui est vraiment sympa. Je comprends ta critique sur le personnage impérial qui est pas si impérial que ça. J'ai aimé ça. Cette campagne a l'air chouette d'ailleurs. Enfin, c'est un des trucs qui me branche le plus dans ce dernier jeu. Elle est sympa, non, le personnage est cool. La campagne est courte. Elle est courte. Et il y a trop d'endroits couloirs en extérieur. Genre au début, tu commences sur Endor et si tu va à 30 mètres à droite, il y a l'écran, il te fait non, ça va pas. Et ça, je supporte pas. À ce moment-là, il fallait pas me mettre en extérieur. Et vraiment, L'histoire, elle est bien. Ouais. Mais le gameplay de l'histoire, c'est affreux. Enfin, j'ai vraiment, d'accord. Je me suis rarement autant fait chier en faisant un FPS solo qu'en faisant ce jeu. Et je l'ai vraiment fait en me disant, allez Adrien, c'est Star Wars, t'aimes trop Star Wars, ça non fait, ça fait 10 ans. Fais-le. Et c'était chiant. Surtout, ça faisait 7 ans à ce moment-là qu'on n'avait pas eu de jeu solo et tout. Alors moi, j'ai essayé. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Mais allez, trop tu bien. Te rappelles qu'on se fait attaquer par l'escarabée géant. Ah non mais quel enfer mais non mais il y a aucun niveau où je pense me dis putain c'était quand même cool ce niveau là tu vois quand même et sur la planète natale ouais, de Versio aussi c'était pas mal. En fait Bespin le problème c'est que c'est un niveau que tu fais déjà 2 heures avant avec un autre skin tu vois mais c'est pas faux et si le lore c'est cool, vraiment chiant le lore surtout quand on t'aime bien l'attaque de j'allais dire l'attaque des clones putain The Last Jedi ah mais oui en vrai genre ouais enfin genre, c'est cool parce qu'il y a des nouveaux personnages qui sont attachants quand même, quoi. Mais en fait, faites-moi un visual novel et me faites pas un jeu, quoi. Ou une série. Ouais, c'est ça, mais vraiment. Moi, je voulais vraiment en voir plus sur Eden Versio et sa famille. Et en fait, ben. C'est fantastique. Bah, en vrai, why not, hein. Bah, elle pourrait apparaître dans une série. Bah, justement, on parlera vers la fin, là, justement, de tout ce qu'on aimerait voir qui n'a pas encore été fait dans Star Wars. Ce sera justement l'occasion de parler de concepts un peu strange. Justement, un jeu que je rêvais de voir à l'époque, donc des années 2000, c'était un jeu où on aurait été un Jedi et on aurait un sabre laser dans la main. Et tu vois, ça correspondrait. Et la Wii est sortie avec sa manette et tout. J'étais trop là. Oh là là, ça va être bien. Ils vont nous sortir un jeu Star Wars. Il a fallu attendre 2008. Pour avoir, c'était, comment ça s'appelait Star Kinect. Wars, The Clone Wars. Non, c'est sur Wii. C'était Lightsaber Duels. Vous connaissez celui-là Lightsaber Duels. Ah oui, oui. Et je sais plus, je crois qu'en plus, ils l'ont sorti juste avant qu'ils sortent l'accessoire qui permet d'avoir une meilleure précision. Et donc, en fait, le jeu, j'ai au bout d'une demi-heure. Le Wii Motion Plus, je crois. Ouais, je crois que c'était avant en plus, donc tu n'avais même pas ce truc. Et résultat, j'ai joué une demi-heure avant de laisser tomber grande déception. Quoi. Alors que j'attendais. Déception, quoi. Ah, c'était dommage. Désolé pour ce douloureux. C'est un jeu que je ne conseille pas spécialement non plus sur Wii. Mm-hmm. Ouais. Alors que The Force Unleashed, c'est bien. Non. Et là, je trouve ça plutôt pas mal parce que on a commencé avec, on a ouvert la série avec les Jedi Knight et là, je propose qu'on s'approche de la fin et qu'on termine justement avec retourner aux sources, retourner avec des personnages Jedi, soit ceux qui sont des super-héros qui défoncent tout, soit ceux qui se font bolosser par le moindre rat d'égout. Mais voilà, on va commencer avec le Force Unleashed. Ah non. Pardon ? Je crois que tu parlais de Angry Birds de Star Wars. Ouais, non, ça bizarrement, j'avais envisagé les jeux mobiles, mais peut-être qu'on va s'en passer. Non, voilà, The Force Unleashed. Mais vas-y, Adrien, je te laisse parler. Alors, The Force Unleashed, mais j'ai pas les notes sous les yeux. Mais y a rien à dire, c'est de la merde, c'est tout. Mais non, mais. Non, mais alors. Mais ça suffit. C'est une catastrophe. Non, mais je vais te taper. Mais The Force Unleashed, nommé dans la peau de, d'un jeune homme. Dont on ne connaît pas le prénom au début, mais donc qui est recueilli. En gros, c'est le fils d'un maître Jedi que Dark Vador vient à tuer. Et donc Dark Vador, en tuant ce Jedi, se rend compte qu'il y a une présence forte, puissante dans la Force, et il rencontre un bébé. Et du coup, il prend ce bébé sous son aile et il l'élève. Il l'élève un peu. Il l'élève en fait comme son apprenti. Et du coup, ça va être justement l'un des nombreux surnoms du héros. Donc, il s'appelle finalement Galen Marek. Galen qui a d'ailleurs été repris comme prénom dans Rogue One, hein, qui est le prénom du père de Jyn Erso. Ce personnage de Galen Marek, également appelé The Apprentice ou Starkiller, et finalement le tueur à gages de Darth Vader qui a donc été repris, enfin le personnage n'est plus canon mais finalement les inquisiteurs ont pris sa place au sein du canon officiel dorénavant. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Mais il est très gentil en plus. Il est doublé par Sam Witwer, et Sam Witwer c'est un bébé, c'est molle surtout. Ouais, mais aussi. C'est bien, tant mieux, mais... Non, mais de toute façon, Matt, il sait pas ce qui est bon dans la vie. Il a aucun plaisir à faire se cracher un Star Destroyer juste avec le pouvoir de la Force. J'ai pas tenu jusque-là, je vous avouerai. Non, attends. Cette séquence-là, parce qu'au-delà du problème de cohérence avec la force, mais cette séquence-là, où en gros, j'ai pas dit, mais c'est un beat'em up un peu bateau, où en gros, on va justement incarner Stuart en série de Jedi, qui va donc, après avoir buté plein de Jedi, se rendre compte que bah, c'est pas très sympa. Du coup, il va devenir gentil. Et donc, finalement... J'adore ce résumé. Finalement, cette... C'est vrai. Bah oui, bah, en vrai, c'est là, ça. Là, pour le coup, ça a plus un nanar, quand même. C'est bien dit. Ah oui, mais parce que Star Wars, c'est un nanar de base aussi, tu vois. Ouais, non, mais là, c'est mal moins. Non, mais oui, non, je suis d'accord. En vrai, je suis mauvaise foi. Je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, voilà. Donc, à bout d'un moment, on va, avec le pouvoir de la force, faire se crasher un immense Star Destroyer sur une planète. Alors, outre le fait que, justement, d'un point de vue cohérence, bah, ça pose des questions quand même. Eh bien, c'est quelque chose qui est affreusement chiant à faire à la manette. Oh là, ouais, mais moi je l'ai fait au clavier à la souris et j'ai galéré, hein, j'ai dû aller regarder des tutoriels. Ah oui, d'accord, mais c'est pas normal. En fait, ils auraient mieux fait de faire une cinématique, ça aurait été tout autant puissant, quoi. Ah ouais. Et c'est super galère à le faire. C'est peut-être vraiment, le moins bon moment du jeu, le reste est cool. Ouais. Après les phases de plateforme. Je me rappelle plus de ça, tu vois. Bon, il y en a quelques-unes, mais... Quand tu sautes, des fois... Ouais, tu dois... sur la planète, fois, un peu... La planète dépotoir, exactement. Je suis tombé 1000 fois, j'ai fait « Putain, il faut que je finisse ce jeu. Payez-moi pour que je finisse. » Non, je suis d'accord avec toi, moi, Adrien. L'histoire est pas ouf, mais le jeu est tout simplement fun. Et je pense que c'est possible de kiffer, d'avoir un personnage surpuissant qui fait des trucs de dingue, sans se dire « C'est comme ça que les films ou les jeux devraient être, en fait. » C'est juste rigolo à jouer. Bah, c'est pas ce qu'on me dit, hein. Ben oui, non, mais c'est ce que Matt suggère. C'est ça le vrai Star Wars, c'est Disney l'a ruiné, on me le répète toutes les semaines. Mais moi, perso, j'aimais bien, même si je trouvais ça un peu couillon, le côté lore et tout, parce que finalement il rencontrait tout le monde, mode, c'est lui qui créait même l'Alliance Rebelle finalement, enfin c'était tout effectivement. Tout un trip. Ouais, ça, c'est... Et en même temps, une fois qu'ils ont effacé les jaunes, tu fais « Ah, oh, c'est pas plus mal qu'il est cassé, parce qu'on va pouvoir créer quelque chose de plus intéressant. » Et ce qui est le cas, parce que je préfère l'histoire de Rebels, et puis Cassandra, je pense qu'ils peuvent raconter des choses plus intéressantes, ou Rogue One d'ailleurs. Mais en même temps, moi j'aimais bien ce côté un peu nanar, comme vous dites, de l'histoire. Mais le gameplay, par contre, c'était pas mon truc. Alors, pour le coup, à l'époque, c'était vraiment mon délire, hein, ce genre de gameplay... beat'em up où vraiment bah, tout ce qui bougeait à l'écran tu devais taper dedans, moi ça me... Alors non, moi j'ai dû faire chier au bout d'une heure et demie, c'est vraiment pas ma cam. Mais je comprends, mais en vrai genre, j'adore ce jeu, tu vois, après j'ai passé beaucoup de temps dessus, je l'ai fini plusieurs fois et tout, mais par contre le deuxième épisode, le deuxième opus, faut qu'on en parle parce que c'est vraiment de la merde. Bah, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Vas-y. Le deuxième opus de Force Unleashed. Ouais, c'est vraiment pas bien. Moi, je veux juste finir deux, trois trucs avec le premier, parce que, ok, le gameplay, j'accroche pas, mais, donc, on a un perso qui s'appelle Starkiller, qui a failli s'appeler, comment il a failli s'appeler déjà? J'avais les noms en tête, je sais plus, en fait, ils avaient demandé à Lucas son avis, pendant le développement du jeu. Je sais pas si tu connais cette anecdote, je pense que t'as dû lire le papier de Game Informer là-dessus. Lucas qui conseille pour un nom, j'ai lu pour plusieurs jeux, ça me fait rire, mais je mélange tout maintenant. Je crois que c'était, enfin moi, ce que j'ai vu, c'était pour celui-là. Hein. Pour Maul aussi, il l'a fait. Tu sais, le jeu Maul avec Maul. Darth. Oui, oh. le jeu Maul qui est jamais sorti, c'était en 2011. Pareil, il avait fait des noms débiles comme Darth Maul. Ouais, mais pour Game Informer, je crois qu'il avait fait un papier là-dessus et il voulait appeler, il avait proposé deux noms, il avait proposé Darth Icky. Icky en anglais, je sais plus trop exactement ce que ça veut dire, mais c'est vraiment pas glorieux. J'ai pas entendu Darth quoi ? Darth Icky. Icky. C'est répugnant. Icky, C-K-Y, répugnant. Mais du coup, en français, c'est parfait. Et... Dark Icky. Ou alors, Darth Insidious. Et les mecs, ils étaient là en mode, sacré George et tout. Et puis, en fait, George était parfaitement sérieux. Et ils se sont dit, oh putain, non, mais Starkiller, c'est bien, en fait. C'est pas mal. On va rester là-dessus, ça va être cool. Et puis non, moi le truc qui m'a vite blasé avec ce jeu, c'est le personnage de Juno Eclipse, quoi. Enfin, c'est un love interest, soi-disant une officière impériale, mais qui bizarrement qui porte pas son uniforme comme tout le monde. Hein, il faut bien montrer son décolleté au passage. Enfin, des trucs comme ça qui m'ont assez vite saoulé. Alors forcément, moi je l'ai pas fait à l'époque, j'étais pas ado quand je l'ai fait et tout, mais Moi non plus, j'étais trop jeune encore. Il y a plein de trucs qui passent pas maintenant et qui me font vraiment grincer les dents. En plus du fait que le gameplay, bah, j'accroche pas des masses, et en plus du fait que ce soit un nanar absolu. J'aime bien les nanars, mais là, il y a des trucs que je trouve vraiment... Oui, mais le 1 est toujours supérieur au 2. Ah bah ouais. Du coup dites-nous pourquoi parce que ah ouais, fait ouais. Et juste attendez je veux un dernier truc sur le 1 et qui fait aussi que j'y ai pas joué en étant ado, j'y ai joué plus tard, c'est que il demandait une machine de guerre pour tourner sur un ordi et il fallait vraiment un sacré PC, c'est pour ça que moi j'ai joué genre peut-être une dizaine d'années après la sortie du truc. Mais il faut dire que techniquement, il était bon, quoi. Il y avait des technologies simulées. Ah, il reste beau, hein. Ah, mais c'est pas vilain. C'était un des premiers jeux avec le Havoc, je crois, qui était un moteur physique un peu poussé. Enfin, il y avait des trucs Il y avait un problème de. Les gens disaient qu'il y avait aussi des problèmes de comment dit-on. C'était aussi pas très bien fait. C'est pour ça que ça demandait beaucoup de ressources. Je trouve pas le mot exactement, mais c'était. Optimisé. Voilà, c'était optimisé. Merci beaucoup. Oh bah c'est bizarre, voilà. Parce que mais le 2, j'ai sorti sur 360 à l'époque aussi, donc c'était basiquement un PC déjà à l'époque, la 360, donc il n'y aurait pas eu de raison que ça ait plus. J'ai joué sur PS3 moi pour le coup et c'était parfait. Ouais. Et donc le 2 alors ? Bah, il est plus court déjà, beaucoup plus court. Et, le 2, tu revas régulièrement au même niveau. Puisque ce que j'ai entendu, c'est que le 1, déjà ce qui était rigolo à faire, c'était les combos, et apparemment il n'y a presque plus de combos dans le 2. Ça, je m'en rappelle. Je sais pas. J'ai pas souvenir de ça. En fait, le 2, si je l'ai pas aimé, c'est de 1 parce qu'il était beaucoup trop court. Et de 2, ben, en fait, bah, c'est tout simplement de la merde. Genre, l'histoire, elle est nulle à chier. Galen. Je suis désolé. Mais je veux bien défendre Galen un peu. Malgré qu'il a failli s'appeler Dark Kiki. C'était même pas Galen. Et c'est même pas Galen c'était, en plus. C'était, mais c'est comme, tu sais, Luke dans l'Hérité de l'Empire. Et là, c'était Galen. le clone de Starkiller. Merde. Mais c'est vraiment ça ? Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'il meurt dans le 1. Ouais, il meurt dans le 1. Oh là là, on vous spoil, attention, c'est pas grave. Rassurez-vous, c'est pas grave. Ne le faites pas. Faites le 1, mais pas le 2. Enfin, il meurt pas dans le 1. Hein. Techniquement, il y a deux fins différentes dans le premier. Ah bah, dans la canon d'avant, dans la canon légende, il mourrait dans le 1. D'ailleurs, il est en BD aussi. Et en roman. Et en... Non, mais voilà, visiblement, le pouvoir de la force, voilà, très polarisant. Voilà, si vous aimez bien vous prendre pour un super héros ou si vous n'aimez pas les choses fun dans la vie, ça dépend. En fait, genre, juste truc tout con. Quand on est face à un Stormtrooper, qu'on a tué tous ses potes, et vraiment, il reste qu'un Stormtrooper et qu'on peut le faire voler n'importe où avec la force. Non, c'était, ouais, c'est vraiment drôle. Ouais, genre, vraiment c'est vraiment obscur, drôle. Genre. Tu m'inquiètes un petit peu, Adrien. Non, mais en vrai, genre, en plus, c'était rigolo parce que tu pouvais, tu sais, leur tordre les jambes quand tu débitais contre les murs et tout, et du coup, c'était très drôle. Genre, oui, c'était... c'est hilarant, effectivement. Ça. Mais allez. On enchaîne, hein. Il me fait peur. Non, mais voilà, c'est bien, on va pouvoir parler des gens, des jeux sérieux, des Star Wars Kinect. Non. Je pensais plutôt voilà le genre de truc où le mec où on peut mourir à chaque flaque d'eau, chaque morsure d'abeille. Alors, et je très vite, Star Wars Kinect est injustement moqué. Il nous a fourni des vraies perles. Je suis désolé. Ah bah là oui pour le coup si on aime le second degré il faut jouer à Star Wars Kinect, voilà, vous avez des covers magnifiques. Ah, même sans y jouer sur YouTube, tu passes un très bon moment. C'était assumé de toute façon le second degré de ce jeu dans les trucs musicaux là, mais même les autres jeux et tout, t'as un rencor où tu détruis tout, où on colle un truc de podresseur, c'est sûr que c'est pas précis, mais ça reste assez fun. Je trouve qu'il a été injustement attaqué celui-là. C'est pas un mauvais jeu. C'est vrai que moi j'en ai surtout entendu parler pour l'espèce de DDR version Star Wars. J'ai pas vu. Oui, voilà, ça nous a donné une des meilleures boucles d'attente de notre live, donc on va pas s'en plaindre. Effectivement. Mais du coup, depuis, je l'aime vraiment bien. Et en fait, genre, au début, je me moquais un peu de cette musique. Et depuis que Matt, tu t'en es servi pour faire une boucle musicale. Mais vraiment, genre, l'autre jour, je l'ai écouté comme un con sur YouTube. J'ai été chercher Han Solo et je l'ai écouté pendant 10 minutes, quoi. J'étais trop content. Injustement moqué. On peut parler vraiment, maintenant si ça vous intéresse, voilà, vous avez une dizaine de parodies de chansons dans un style Star Wars qui sont vraiment très très sympas. Mais voilà, je propose qu'on s'approche de la fin parce que là on est presque à 3 heures d'émission. Dernier, hein. Ben oui, en plus voilà, c'est totalement logique, on est dans l'actualité, on va parler de Fallen Order. Enfin voilà, le dernier Star Wars en date, le dernier jeu solo en date. Donc le, on en parlait avant le début de l'émission. Je ne sais pas s'il y a vraiment un autre terme que Souls-like pour qualifier ces jeux qui sont basés sur voilà du combat au corps à corps, mais où on n'est pas là pour bourriner. Il faut gérer la posture, il faut gérer l'esquive. Est-ce qu'il y a un autre mot que Souls-like pour ça pour l'instant? Moi j'appelle ça du Death Train Order maintenant. Ouais, ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est, voilà. C'est vraiment un. C'est vraiment un mode de jeu différent, quoi. C'est un RPG, mais en même temps, c'est pas que ça, quoi. Mm-hmm. Mais c'est surtout même dans la manière, c'est un jeu où on va incarner justement un Jedi, un Padawan qui a échappé à l'Ordre 66, qui se retrouve poursuivi par les Inquisiteurs, par les. Comment? Par les sœurs de. Mince. C'est quoi le titre exact? Les Inquisiteurs, Sisters. C'est les Inquisiteurs. Ok, ok. Je pensais qu'il y avait un autre terme, mais en tout cas, voilà, qui va se retrouver poursuivi par les Inquisiteurs parce que justement, lui, il s'est caché jusqu'à présent et qui va devoir, disons, se reconnecter avec son héritage Jedi. Et donc, beaucoup de combats au sabre laser, mais là, pour le coup, vous n'êtes pas dans. Aussi, oui, voilà, tout un aspect plateforme, un petit peu des énigmes et tout. Vraiment très très sympa. Il y a un gros côté Uncharted, hein, clairement. Ah ouais, ouais, ouais. J'aurais pu en voir. Pour moi, c'est Uncharted plus Tomb Raider plus Dark Souls ou Sekiro, quoi. Mais tout en bah, light. Voilà, ouais. c'est parfait. Plus Sekiro d'ailleurs. Plus Sekiro, ouais. Et donc, mais ouais. Tout hein, un peu plus light, plus accessible. Après, si tu veux en difficile, c'est quand même plus difficile, mais ça reste un beau mélange. Moi, j'aime bien. Et l'univers Star Wars, ils l'ont bien respecté, quoi. Oh là là, ça transpire le Star Wars à chaque fois. J'en ai vu, vraiment, tu sens l'amour derrière, le respect de l'univers. Grave. C'est très très beau, il y a des enfin, j'ai envie d'acheter le bouquin de Art of Life, parce que super, ça a l'air fantastique. Et il y a énormément de clins d'œil de ce que j'ai pu revoir à du McCarry, à du Johnstone. Il y a un gros respect de ce côté-là. À Rebels, au comics Dark Vador. À Rebels, voilà. Il y a plein de connexions avec Rebels également, avec le comics Vador. Et rien que ça, ça vaut le coup. Clone Wars. Enfin, vraiment, il y a un gros, gros soin à porter de ce côté-là. Et jusqu'à la musique qui est vraiment. La musique originale est incroyable. Oui. Hein. C'est de l'hommage à John Williams, pas trop appuyé. Ça reste quand même suffisamment intéressant. Il y a une personnalité. On n'est pas juste dans du copier. Il y a un vrai côté. Cinématographique dans les cinématiques, il y a une vraie volonté de raconter quelque chose. Je pense qu'il vaut le coup, hein, même si moi je pense que je vais le faire en hyper facile, juste histoire de. Mais il est pas dur, hein. De me faire l'histoire vraiment. En mode balade, j'ai envie de me balader, juste de faire l'histoire. Moi je pense que rien que pour ça, il vaut le coup. Je l'ai fait en mode normal, il y a que un combat sur Datomir où j'ai galéré, et j'ai mis en mode facile parce que j'avais pas envie de perdre du temps. Mais sinon, le jeu en lui-même, je l'ai pas trouvé super dur en lui-même. Non, c'est vraiment, comme tu disais, Pierre, c'est vraiment light par rapport à un Dark Souls ou à un Sekiro. Parce que moi, je supporte les Dark Souls, je trouve ça super, mais au bout d'un moment, je m'ennuie. Enfin, c'est pas mon truc non plus. Alors que j'ai fait le Order, bon, il y a peut-être le côté Star Wars, mais j'ai passé 23 heures super, quoi. En plus, ni trop court, ni trop long. Ça, c'est pour moi, c'est important. Honnêtement, au début, j'étais moyen chaud. Hein. J'étais moi aussi, un peu quand t'as vu la tête du mec. Ouais. Bah forcément, il ressemble à une endive, donc. Vrai qu'on en a parlé pas mal de ça. Arrêtez, il est gentil comme acteur. Mais en cours de jeu, au fur et à mesure, plus l'histoire avançait, plus je l'appréciais. Et maintenant, j'aime bien le personnage et je vois plus sa tête d'endive que je voyais tout à fait comme toi quand on avait discuté avant. Maintenant ça passe, je l'aime beaucoup maintenant. Moi je l'ai pas encore fini, donc je suis encore un peu dans la phase où je le trouve un peu tête à claque, mais ça peut. Comme quoi, avec une bonne histoire, tu peux vraiment faire quelque chose, quoi. Je suis pas contre, voilà. Le côté le bénéfice du doute. Le côté enquête sur les reliques. Enfin, tu vois, le côté archéologique, moi j'aime bien aussi ce côté-là. Faut pas se mentir, hein, le Stinger Mantis, quoi. Ah oui, il est super. Il est magnifique. Mais tous les personnages, les vaisseaux sont trop bien. Hein. Mm-hmm. Tu regardes les personnages secondaires, même le petit robot. Il est super. Le soin du vaisseau, enfin l'intérieur du vaisseau est hyper soigné. Les pouvoirs. Vraiment bossé, quoi. Les pouvoirs. Quand j'ai compris. Tu peux débloquer là plein de pouvoirs. Toi, tu décides dans une espèce de rond là quel pouvoir tu débloques. Et quand j'ai compris que je pouvais cumuler les pouvoirs et que je pouvais balancer au-dessus du vide un Stormtrooper, puis le faire un force pull pour le ramener vers moi et lui donner un coup de sabre laser dans le ventre. J'ai fait ça. C'est nous qu'on traite de psychopathe quand on joue à la force de la force. J'ai fait ça la moitié du jeu. Ça c'est le côté effectivement un peu méta qui est que ce Jedi-là a tué beaucoup de monde. Hein. Alors là, Il a vraiment tué beaucoup de monde, mais bon, bah, ah bah c'est un jeu vidéo. C'est Star Wars, hein. C'est quand on c'est un jeu vidéo. Jedi, donc... tu butes pas mal le monde. Tout ah, il tue plus que l'empereur, hein. Ça c'est. Non, mais surtout, il y a un truc un peu rigolo dans le jeu, ce que je disais à Matt l'autre jour quand je streamais, c'est que quand on rencontre dans le jeu, on rencontre à un moment donné Saw Gerrera, bon, qui est un peu considéré comme étant l'anarchiste, hein, même pour l'Alliance Rebelle, ben il est trop violent pour eux, quoi. Vous pouvez regarder notre fait, émission genre... où on classe les personnages en fonction de leur orientation politique. Ah oui, c'était super cool. Et en fait, genre vraiment, on peut interagir avec un cadavre de Stormtrooper à un moment donné, et Cal dit vraiment, ah, Saw Gerrera a tué ce Stormtrooper de sang-froid. Dis donc, il est violent. Mec, tu passes littéralement tout le jeu à couper des gars, quoi. Il a un dédoublement de personnalité, ce pauvre garçon. C'est le problème des jeux. Non, hein. Mais vraiment. Sinon, il faudrait faire un jeu où t'es un Jedi, tu sais, version monastère. Le but du jeu, c'est de pas bouger. Moi, j'avais suggéré, enfin, justement pendant le stream, c'est qu'il devrait faire un jeu où, dans le même esprit, avec un jeu un Jedi, mais en mode infiltration, où tu tentes justement d'arriver à tes fins, mais sans tuer un maximum de gens, quoi. Enfin. Alors, j'ai vu une vidéo sur Internet où c'était un mec qui faisait du super play et qui a tenté de finir Jedi Fallen Order sans tuer aucun Stormtrooper. Alors... Et ben, croyez-moi ou non, il a réussi. Wow. Mm-hmm. Ah bah, sur Internet, tout est possible de toute manière. Ouais, alors je sais plus si c'est tuer ou si c'est juste utiliser le sabre laser. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais en gros, genre, il a vraiment fait un truc dans le genre. Et il a réussi alors avec des bugs, avec des cheats, enfin pas des cheats, mais avec des bugs, avec des oui, des il exploite glitches, les problèmes du jeu. C'est ça, mais il n'empêche qu'il a réussi et que c'est possible et que finalement, eh bien, c'est nous qui sommes débouchés. Et les combats de boss et tout, il doit les tuer quand même ou parce qu'il y a quelques combats de boss, ah ouais, il pouvait pas faire autrement. Il est obligé, ouais. Ok. Ouais. Mais j'imagine que si le jeu reçoit une communauté suffisamment grande, les gens vont arriver à trouver des combines. C'est voilà. C'est ça. En fait, il a demandé de l'aide à pas mal de speedrunners pour faire son truc. Bah, ce qui est bien, c'est que le jeu a fonctionné, quoi. Ouais. C'est un bon message, je trouve. Oui, c'est vrai, pour IS, ça leur montre que voilà, ils sont pas obligés de faire des clones de Battlefield. Bah, après, il faut être réaliste. Un Madden ou un FIFA rapporte beaucoup plus d'argent sur un an que lui sur peu de temps. Enfin, en plus, il a une durée de vie forcément limitée. Il est déjà à moins 50% là, je crois, ou l'été, il y a quelques temps. C'est sûr que pour eux, c'est une petite croix par rapport à leurs autres mastodontes. Mais après, ça les pousse à faire, déjà, on sait qu'ils font un deuxième, quoi. Justement, qu'est-ce que ça a été une erreur, hein. C'est que ils ont eu l'exclusivité, ils se sont dit, ça nous a coûté cher, maintenant il faut vite qu'on la rentabilise avec des gros jeux qui vont rapporter plein de thunes. Et c'est un peu la stratégie de façon générale de chez EA, de faire des gros jeux qui rapportent beaucoup, mais, avec ce jeu, ils se sont peut-être rendu compte qu'avec un budget relativement limité, avec des objectifs pareil, un petit peu modestes, on arrivait à faire quelque chose qui marche et qui peut marcher fort. Il y a quand même une grosse différence entre ce jeu et tous les autres, y compris surtout tous les jeux qu'ils ont annulés, parce qu'on a quand même 4-5 officiellement déjà qui ont été annulés, je pense. Ouais. Oui, ça a été un. Et je pense qu'il y en a bien une quinzaine en tout, si on prend ceux qu'on n'est pas au courant. Après, pas forcément très loin dans la production, mais bon. Et la grosse différence entre celui-là, c'est que quand ils l'ont lancé, le développement, Respawn n'appartenait pas à EA, ils l'ont acheté qu'en cours de route, ils avaient déjà commencé leur jeu sur leur moteur, etc. Ils étaient pas obligés d'utiliser Frostbite comme tout le monde chez EA qui est obligé d'utiliser Frostbite à chaque fois, c'est oui. Assez compliqué. Ça change pas mal de choses, rien que quand ça. Quand c'est pas des FPS, etc. Pour BioWare, ça a été compliqué. Ils leur ont laissé faire le jeu jusqu'au bout, alors que tous les autres projets, qui ont raté. À chaque fois, il y a toujours une histoire où ils sont arrivés, il y a quelqu'un d'IA qui est arrivé. Surtout que l'équipe qui a signé le contrat au début avec Lucasfilm, c'est pas la même qu'il y a maintenant. Entre temps, ça a changé et les gens qui ont repris IA sont pas ravis, en fait, de ce contrat parce que justement, ils savent très bien que c'est pas aussi intéressant que. Et je crois que le PDG d'IA n'est plus le même aussi. Ils ont tout changé, en fait, les gars. C'est plus les mêmes du tout. Donc, en fait, ce jeu, il est passé entre les balles, quoi, quelque part. Donc c'est un coup de chance qu'il soit fini et qu'il ait marché et peut-être que les suivants effectivement. Je pense aussi à un moment donné chez EA ils se sont dit putain ça fait tant de temps qu'on a la licence, on a sorti que ça, les mecs là vont peut-être les laisser tranquilles et voir jusqu'où ils vont aller, ça peut peut-être le faire quoi. Mais voilà, j'ai envie de dire, si t'as pas envie de faire de jeux Star Wars, ben t'achètes pas la licence, quoi. c'était pas les mêmes gars. Non, mais je sais bien, mais c'est quand même assez incroyable. Ils ont pas su quoi en faire, clairement. Enfin, Et donc, comme tu disais, Pierre, ça, la licence devrait finir d'ici 3 ans. Avril 2023. Donc, ils sont certainement en train d'en discuter. Donc, si Electronic Arts veut la garder, ils vont certainement sortir encore un ou deux jeux d'ici là. Après, peut-être qu'ils veulent pas la garder. Moi, dans l'idéal, tu la divises, tu la files à des studios qui savent faire des bons jeux. Ah bah oui, à mon avis, moi, je serais méga content s'ils acceptaient de la diviser, en fait, de pas faire de contrat exclusif. Laissez les gars, parce que le problème d'IA, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des dirigeants qui, pour certains, ou qui viennent de mondes qui ne sont pas les jeux vidéo. Et ce qui a été le problème de LucasArts, parce que ça, on n'a pas discuté, mais les dernières années de LucasArts dans les coulisses, ça a été assez compliqué. Et là, le problème, c'est que souvent, c'est des gens, soit ils viennent pas du jeu vidéo, soit ils ont des idées très arrêtées, genre Game of Thrones, etc., qui se limitent pas forcément, qui correspondent pas forcément à tous les genres. Ils se mettent des œillères, ils pourraient se faire un moins d'argent, certes, qu'avec un FIFA ou autre, mais ils auraient pu finir certains jeux qui auraient fonctionné, qui auraient rapporté peut-être que quelques dizaines de millions d'euros, mais après, il faut qu'ils pensent. Enfin, je pense que Disney et Lucasfilm, ce qu'ils voient aussi, c'est que les jeux vidéo font partie de l'image de marque, et Battlefront 2, à sa sortie, a été une énorme tâche. Mauvaise publicité. C'était une très mauvaise publicité, et donc ça, je pense que Jedi Fallen Order, ils ont essayé de faire bien la fin et tout, pour que les gens soient contents, mais clairement, il y a eu en coulisses des... Après, je me rappelle qu'il y a eu des trucs officiels disant, Disney est très content du travail d'Electronic Arts, c'était entre les deux, entre Battlefront 2 et Jedi Fallen Order. À ce que je sais, c'était un peu plus compliqué que ça. Il me semble que Disney avait appelé, en gros. Ça c'est la rumeur. Disney avait appelé EA pour dire, virez vos microtransactions, c'est la merde, quoi. Enfin. En tout cas, Lucasfilm. Ah, c'est grâce à Disney. C'est la rumeur, c'est qu'il y avait des histoires comme quoi ça a été remonté jusque là parce qu'ils étaient pas contents. Mais après, c'est une rumeur. Ça, c'est la rumeur qui, à mon avis, est très vraie, à ce que j'ai compris. Par contre, au sein de Lucasfilm, les gars avec qui j'ai discuté. Était très content de la façon dont ils ont travaillé avec Respawn, puisqu'en fait ils travaillent pas avec enfin c'est pas les mêmes gens qui travaillent t'as la licence de travailler avec les Electronic Arts et puis les Lucasfilm Story Group qui travaillent avec ou les concept artistes qui travaillent avec Respawn, et eux ils ont kiffé travailler ensemble, donc je pense qu'ils kiffent pouvoir travailler avec eux sur un deuxième opus. Je sais pas, Disney et Lucasfilm, et ce sera peut-être pas Kathleen Kennedy, ce qui va partir quand, en 2022. En tout cas, moi je sais pas, hein, franchement, je crois pas que Electronic Arts restera. C'est vrai que, à mon avis, si c'est Disney qui les a appelés pour leur demander d'enlever les microtransactions, c'était pas parce qu'ils avaient un idéal de ce que doit être un jeu vidéo, c'est un problème de publicité, oui. Oui, voilà. Oui, de toute manière, en plus, c'était en pleine promo de l'épisode 7. 8, c'était déjà le 8. Ah, je suis perdu. C'était 8. Ça va vite. Ah oui, pour le 7, il y avait le Battlefront précédent, effectivement. C'est ça, ouais. Qui avait été fait à l'arrache, en vitesse. À l'arrache, non, ils ont quand même. Ils ont mis du temps à le faire. Hein. Oui, ils ont pas eu le temps de le finir. C'est plus Mais ça, il fallait. Alors là, par contre, là, pour le coup, c'est pas du tout la faute d'Electronic Arts. Là, on revient au problème d'origine de Star Wars version Disney. C'est Disney qui a été. Qui s'est senti obligé de dire, comme on a dépensé 4 milliards, on promet à nos actionnaires qu'on va sortir des films le plus vite possible. Ok, on repousse le Réveil de la Force de 6 mois. Reste que ce soit pour Réveil de la Force comme pour Battlefront, et certainement d'autres produits. Ils ont tous été pressés par le temps, et le résultat n'est pas celui qu'attendaient les gens. Et pour cause, Battlefront et Réveil de la Force, ils écrivaient le scénario, ils continuent d'écrire sur les plateaux, enfin. Ça a eu des conséquences sur tout le reste de la trilogie dans le film. Je me demande si c'est aussi peut-être pas pour ça qu'on a plus de jeux Lego, c'est qu'à un moment donné ils se sont peut-être dit c'est un peu la merde de bosser avec eux, on va attendre et on fera ça après proprement. Il y a eu un jeu Lego en 2016 et eux ils ont même pas fait en même temps que le film, donc un an après. Ils ont pas eu les infos en même temps, je pense, simplement. Six mois après. Donc on parle de ce que les gens on dit ils font pas ce que les gens veulent, ou alors mais alors qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qui est un style de truc qui n'a pas encore été fait, que vous aimeriez voir, vous personnellement? Moi je peux parler de des trucs que j'ai sur mon compte. J'ai énormément de demandes parce que j'ai énormément de gens. Il y a ceux qui râlent tout court, mais il y a aussi des gens qui croient que je suis le compte officiel. Ils sont nombreux, quoi. Putain, ils sont nombreux. Et les gens demandent, alors, à peu près KOTOR tout. KOTOR 3. Tout. Non. Tout. KOTOR 3 revient très souvent. The Force in the Shed revient très souvent. Republic Commando 2 revient très souvent. En gros, des suites de tous les classiques, on va dire, du LucasArts reviennent souvent. Mais tout, après, alors le truc qui vient le plus souvent, vraiment, et que je pense que tout le monde attend, c'est le GTA Star Wars. le GTA Star Wars, qui a été un projet qu'ils ont travaillé plein de fois au sein de LucasArts. Il y a eu plein de projets de GTA Star Wars qui sont jamais allés au bout pour une très bonne raison. C'est un directeur technique qui travaille sur un jeu actuellement qui marche bien, qui me l'a expliqué. Il me disait, le problème de GTA Star Wars, c'est que qui c'est qui fait des bons jeux genre GTA? C'est Rockstar. Il me dit, le truc, c'est que il y a que Rockstar quasiment qui arrive à faire des jeux comme ça, que ça demande une énorme expertise. Le premier jeu va être assez raté avant d'arriver, ça demande de l'expérience, ça va demander 5-6 ans de développement. Donc en fait, à chaque fois qu'ils ont commencé à faire un GTA Star Wars, ils ont arrêté très vite, quoi. Faut aller voir les gars de chez Deep Silver, Volition, ceux qui font les Saints Row, qui sont peut-être les seuls à pouvoir rivaliser, quoi. Moi, je le filerais à CD Red, tu vois, je sais pas, à ceux qui font des grands jeux. Oui, sinon, oui. Mais mais LucasArts, ils sentaient pas le faire, en fait. Et chaque fois, ils ont essayé. Qu'est-ce que veulent les gens? Moi, je pense surtout que c'est quand, on le disait même encore récemment, je crois, en stream, c'est que Star Wars, l'avantage, c'est que tu peux le poser, le calquer sur n'importe quel jeu, quasiment, quoi. Ça va marcher, c'est un skin, en fait. Basiquement, c'est surtout un skin. Et la force, pour moi, pour longtemps, c'est que ça a été aussi beaucoup de jeux de niche. Plus que des gros jeux événementiels, comme essayer de le faire IES, c'est quand on avait des jeux de niche, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense. Ah, c'est clair. Et donc, t'as un truc. Justement, je disais ce que les gens veulent, mais en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que vous voudriez. Donc, par exemple, toi, Matt, t'as un truc moi, en tête. Moi, je veux un nouveau racer tout neuf en HD avec plus de contenu. Je veux un jeu de gestion, je veux des jeux de stratégie. Je veux... Alors, est-ce que tu connais Outpost? Moi, je connais pas. Star Wars Outpost, c'était un jeu de gestion de stratégie dans l'univers Star Wars qui fait partie des jeux qui font partie des jeux annulés quand Disney a racheté. Il était bien avancé. Simplement, hein, c'est si tu veux, je veux mettre des images. En plus, il était trop mignon. Moi, je veux des jeux auxquels j'aime bien jouer, mais Star Wars, c'est bête. Si un City Builder Star Wars, allez, s'il te plaît. Franchement, les trois jeux. Faut que tu fasses tes marques de caca encore dedans. Les trois jeux, même les quatre qu'ils ont annulés, quand Disney a repris. Franchement, c'est dommage. Star Wars 13, ça allait être un. Les gens, ils m'en parlent encore comme si ça allait être le messie des jeux Star Wars, mais ça allait juste être Uncharted Star Wars. Ça aurait été très bien, mais c'était pas non plus. On a eu Fallen Order, c'est bon. Oui, mais c'est différent Fallen Order. Là, c'était beaucoup plus dirigiste. Oui, c'est vrai. Oui. Les 13-13, il aurait été waouh, Flash, il aurait été magnifique, quoi. Il y avait First Assault, qui aurait été une espèce de nouveau Battlefront, il aurait été très bien aussi. Et t'avais Outpost, qui est un jeu de stratégie, gestion, construction, quoi, plutôt, on va dire. Qui avait l'air plutôt sympa. Il y avait un jeu de gestion de l'étoile noire aussi qui avait l'air sympa. Ah, marrant ça. Ah. Mais c'était un jeu mobile, alors, je suis pas sûr. Un Startopia, voilà, un Startopia avec un skin Star Wars, ça serait parfait. Tu gères une station spatiale dans l'univers Star Wars. Tu peux faire ça, tu nous ressors un racer. Il y a plein de trucs à faire, mais voilà, des bons jeux avec la skin Star Wars et des bons jeux de niche, c'est ce qui manque, quoi. Enfin, un racer, ça serait pas ambitieux comme un GTA, tu vois, ça, il pourrait faire vraiment. Mais voilà, en plus, même, tu peux, avec les moyens qu'il y ait, même sans y mettre trop de thunes, avec les moyens techniques qu'ils ont, tu peux facilement faire un équivalent à un jeu, pas forcément de simu, mais un gros jeu de course, on va dire, pour pas très cher, enfin, je pense. Après, je me demande si Maverick, là, le jeu qui a été pas annoncé, mais qu'on sait qu'il va être annoncé, celui où il y a l'image des vaisseaux, là, je sais plus quoi, là. Celui qui est développé. À mon avis, ça risque d'être un jeu comme ça, moins ambitieux, tu vois, plus de niche, peut-être intéressant, faut voir. Je sais pas. En plus, même le nom, je veux dire, Maverick, c'est ça que ça veut dire, c'est quelqu'un qui suit pas les règles et tout. Donc, j'espère juste que le Racer, la ressortie de Racer, là, sur les consoles récentes, soit juste un test. Honnêtement, j'espère vraiment que c'est un test pour voir ce que ça donne. Mais ça veut dire que Jedi Academy aussi c'était un test? Ça on sait pas, hein, mais peut-être juste tester, juste prendre la température, tu vois. Après, alors moi j'ai eu le gars qui a travaillé sur le leader de Republic Commando notamment, et des remakes de Monkey Island après, donc il est resté quand même assez longtemps chez LucasArts. Il m'a dit cette année on a des choses à annoncer. Voilà. Ah, c'est trop annoncé des trucs. Je ne sais pas quoi du tout, mais j'ai fait. Mais ça se trouve, c'était juste l'annonce de Racer sur Switch, tu vois. Je sais pas. Peut-être bien, oui, mais justement, tiens, est-ce que Racer sur Switch, c'est annoncé par LucasArts, par EA, qui annonce, et où est-ce que c'est Good Luck Games qui Non, mais là, c'est pas du tout EA, hein. Ça, c'est qui maîtrise, c'est LucasArts, c'est Good Luck Games, c'est Lucasfilm, c'est les portages de jeux, c'est Lucasfilm qui s'associe avec GOG ou autre pour. Par exemple, GOG a dû payer, je pense, pour avoir les premiers, puisqu'au début c'était eux qui avaient lancé le truc de ressortir les jeux, qui sont arrivés sur Steam après. Et il me semble que dans les derniers, ils arrivent sur Steam en même temps, donc ça a dû changer de contrat. Mais ils demandent juste à Aspyr de faire ses portages, quoi. Mais après, c'est quand même des éditions de Lucasfilm par rapport aux demandes des fans, donc ils regardent les attentes, ils regardent les ventes. Donc il faut qu'effectivement au moins ces jeux se vendent pour qu'ils sortent d'autres portages. Par exemple, moi j'attends toujours Battlefront Naboo qui n'est pas sorti. Oui, donc c'est pas forcément un test. Enfin, c'est peut-être un test pour voir si d'autres portages de vieux jeux peuvent se faire, Rogue Squadron, mais c'est pas un test pour voir si un nouveau Racer branche. Non, je pense que c'est un test pour voir s'il y a moyen de sortir tout le catalogue, parce que ils ne sortent pas pour rien non plus. Il faut que ça marche. Oh oui, bah. Après, les Rogue Squadron, s'il vous plaît. Ah, ça c'est cool, mais ça, ça me demande. Hein. Moi, c'est pour ça que je fais régulièrement du lobbying pour un nouveau simulateur de vol à la X-Wing. Parce que je dis, putain, que les caisses de réalité virtuelle, quoi, les gars. Il est temps de lancer un genre de jeu de simulation de vol. Tiens, bah, en parlant rapidement de VR. Vador Immortal. Non, moi je voulais juste dire la mission Rogue One VR là, qu'ils ont fait sur Battlefront. C'est un des rares trucs que j'ai pu tester, tiens, sur PS4 avec le casque, le machin là. Ça déchire. Ça déchire, c'est ouf. C'est Rogue Squadron, c'est Rogue Leader, mais en VR. Waouh. C'est vraiment ouf. Je suis pas fan de VR et tout, c'est pas mon délire. J'aime bien. Ça m'arrivait de tester un peu sur des jeux de course de bagnole, des trucs comme ça, mais là vraiment, j'ai kiffé quoi. Mais c'est fait pour ça. La VR, c'était inventé pour. Très honnêtement, s'ils faisaient un vrai jeu avec ça, parce que c'est juste une mission qui dure, je crois, 15-20 minutes à tout péter. Ouais, c'est très court. S'ils faisaient un vrai jeu, je te garantis que dans le salon, je me construis un cockpit, c'est fini. Je me fais un cockpit sur Vérin et je sors plus du machin pendant 3 semaines. Ça fait longtemps que j'ai l'intime conviction qu'il travaille sur ça, sur un jeu de vaisseau avec en VR, mais sauf que je l'ai depuis 4 ou 5 ans, donc je commence à douter. Par contre, l'équipe qui avait fait justement cette VR mission, c'était Criterion, là, ceux qui font Burnout, et après ils ont fait l'émission spatiale de Battlefront 2. Alors, je me demande si leur prochain jeu qu'ils pourraient faire pour EA au sein de la licence, ça serait pas soit un jeu à la Rogue Squadron, puisqu'en fait, finalement, c'est presque Rogue Squadron. C'est un multijoueur, mais c'est un combat de vaisseau en arcade dans Battlefront 2. Soit un truc en VR vraiment comme ils ont fait déjà, puisque c'est eux qui l'ont déjà fait il y a déjà 4 ans. Quoi. Ouais, il faut rien de plus, un Vador Immortal et tout, c'est rigolo, mais juste un Rogue Squadron de 2020 en VR. Moi, je comprends pas. Je pense que c'est Electronic Arts qui doit avoir le droit de faire ces gros jeux ambitieux, qui doit mettre le veto et qui eux-mêmes ne veulent pas les faire. Quoi. Bah, quand on parlait d'éclater la licence, ça pourrait être intéressant de faire des exclus par genre à la rigueur. Enfin, si Electronic Arts veulent être les seuls à pouvoir faire un Battlefront, bah, qu'ils le fassent, mais qu'ils n'empêchent pas d'autres de faire un RTS ou un jeu de vaisseau. Ouais, quoi. Mais ils ont payé pour pas avoir de concurrent, quoi. Ouais. Ouais, mais du coup, on se retrouve avec un jeu Star Wars tous les 4 ans. Bah ouais, mais visiblement, c'est un deal qui rend personne heureux, donc il y a des chances qu'on peut espérer que ça ne se reproduise pas. On va voir, on le saura vite, je pense. Hein. De toute façon, là, on a la période de transition ultime de Disney Star Wars, quoi. Parce qu'entre les films qui sont à l'arrêt, les séries à fond. Ouais, là, c'est vraiment le moment de remettre les cartes sur la table, de revoir leur stratégie. Ouais, d'apprendre des erreurs. Clairement. Oui, effectivement, ouais. Ouais, c'est là le moment le plus intéressant. Enfin, moi, c'est ce que j'attendais, c'est celui où il passe ce que j'ai appelé la période nostalgique. Parce que là, clairement, les derniers films, c'était tous des films très nostalgiques du passé. Les jeux vidéo, aussi pas mal, quoi. Les séries, Mandalorian, c'est quand même super nostalgique. Bah, les jeux, ça va plus de la nostalgie aussi, hein. Ça reste, Final Order se passe encore pendant la période clé ou charnière. On a les Battlefront qui, c'est jamais que des batailles de ce qu'on connaît aussi. C'est pour ça que The High Republic est intéressant, parce que c'est le. Voilà. peut-être pas forcément de tout faire dans la période, mais d'ouvrir l'univers Star Wars à d'autres périodes et de créer de nouveaux jeux, de nouvelles histoires qui sont aucun rapport avec Skywalker et surtout Palpatine. Quoi. Maintenant que je sais comment il finit Palpatine, notre histoire d'amour est terminée. Désolé pour ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Unleashed, c'est de la merde. Non, ça on l'a déjà dit, pardon. Non, mais il y a plein de jeux dont on n'a pas parlé, et je pense qu'on les fera juste en stream à l'occasion. Et puis, ouais, à mon avis, l'objectif, de toute manière, on n'aurait jamais pu tout couvrir. Oui, On parlait surtout des trucs qui nous ont plu, mais même ça, Leaders, c'était un peu long. Voilà, et puis même quelques-uns qui nous ont plu, je pense à DroidWorks, dont on a tous parlé juste avant l'émission, celui-là, on fera un petit stream dessus si on arrive à le faire marcher. Exactement. C'est un jeu, justement, Lucas Learn, je crois, et qui était quand même rigolo. Un petit jeu éducatif où on construisait des droïdes selon la mission qu'on devait accomplir, et qui était vraiment flippant pour un gamin de 10 ans. On n'a pas parlé aussi du jeu de l'épisode 3, qui était plutôt correct. Ouais, c'était correct. Ouais. Je me souviens avoir vu les pubs, mais c'est tout. Mais sinon, moi j'aimerais bien un jeu de drague où on drague des Wookiees, ça serait rigolo. Ah bah voilà des idées originales. Non, voilà, les jeux de niche, on y revient. Un jeu comme The Force Unleashed, moi ce qui m'intéresse le plus dans The Force Unleashed de loin, c'est le making of. Et dans le making of, il parle de tous les projets de jeu qu'ils ont eu avant, et t'avais le jeu où tu joues un Wookiee uniquement en langue Wookiee. En Chewbook. Et en Chewbook. Et en plus, donc avec toute la puissance, donc c'était un jeu très corps à corps, etc. Je trouvais le concept vachement bien, et puis genre Wookiee, il a dit non, il faut qu'on, il parle pas les Wookiees, donc c'est pas intéressant. Mais genre, c'est genre un jeu un peu conceptuel qui m'intéresserait, quoi. Non, complètement. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est pas vraiment un style, mais éventuellement jouer des aliens, jouer autre chose que des humains, ça serait cool. Juste, en fait, je pense que plutôt que de dire ce qu'on voudrait, c'est bien de dire ce qu'on veut, mais simplement plutôt que souhaiter ce qu'on voudrait avoir, c'est le faire. C'est juste de souhaiter aux développeurs et aux concepteurs et aux concept artistes de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec la licence, en fait. Ouais. De pouvoir, qu'on le laisse libre, justement, d'expérimenter les trucs avec ça, parce qu'il y a tellement à faire. De ne pas travailler pour EA, quoi. Voilà. À ce propos, j'ai une question pour toi, Pierre. Je sais pas si t'es au courant, mais je m'intéresse pas mal aux dynamiques de fans, à leur comportement, à leur création. Est-ce que t'as pu déjà jouer à des fan games de Star Wars? Oui, notamment le remake, le fan remake de Racer, là, qui est assez récent. Ouais, t'as pu y jouer, t'as pu tester? Ouais, j'ai récupéré la démo avant qu'il la... Mais il y a qu'un seul niveau, c'est ça? Ah, mais ils l'ont déjà shot? Je l'ai celui-là, ouais, je l'ai testé aussi, ouais. Le boulot qu'a fait le mec, il est... D'ailleurs, c'était un Français, je crois. Il s'est déjà fait dégommer? Non, je sais pas, mais par précaution, à chaque fois qu'il y a un fan game, je les préviens. Il y a pas longtemps, il y avait un gars qui avait fait un jeu de combat, Star Wars, dont j'ai fait la promotion sur mon compte, mais c'est pareil, je l'ai pris direct, en disant, prenez-le avant qu'il disparaisse, parce que... En même temps, on râle, mais c'est normal. Je l'ai chopé en même temps que toi, justement, quand tu l'as dit, j'ai la démo de Racer, là. Oui. En même temps, c'est normal qu'ils protègent leur licence. Ouais. Même si on peut regretter, moi, Aperon, je l'attendais aussi énormément, mais c'est pareil, je l'ai vu arriver à 1000 km, qu'ils allaient pas. Sans doute qu'en plus, à cette époque, ils travaillaient déjà sur un KOTOR qu'ils ont annulé entre temps, mais. Malheureusement, ça fait partie du monde des licences, quoi. Les fans remakes. D'ailleurs, celui de Dark Forces, il a l'air sympa aussi. Oui, c'est par mec d'Obsidian, oui. Oui. Et autrement, vraiment, des jeux originaux, de nouvelles histoires ou quoi, t'en as pas entendu parler, t'as pas trop joué à ça? Il y avait le jeu de combat il y a pas longtemps, puisque c'était vraiment pas une adaptation rien du tout. Récemment, souvent c'est des mods pour d'autres jeux, là, sur genre Sin of Solar Empire ou. Oui. Il y a des mods pas mal de ce genre-là. Mais des histoires complètes, à part Aperon. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais j'essaie de me renseigner. Mais j'ai un réparateur. Le truc, c'est qu'en fait, ça fait tellement d'années que je collecte des trucs sur les jeux Star Wars et LucasArts que j'ai des dossiers remplis, mais je retiens pas, quoi. Il y a trop de choses. Et j'ai un répertoire fun game, je crois. Attends. D'accord, ok. Éventuellement, un sujet pour une émission future s'il y a assez de matériel pour pouvoir en discuter. Ah, je serais ravi de participer. Parfait. Bon, en tout cas, c'était quand même une sacrée émission. Justement, comme on disait juste avant, on n'a certainement pas tout couvert. Malheureusement, il a fallu faire quelques choix. Mais franchement, couvrir plus de 30 ans voilà, d'histoire de jeux vidéo en 3 heures, c'est déjà un sacré tour de force. Donc en tout cas, merci à tout le monde, franchement, voilà, c'était vraiment une discussion vachement intéressante. Et on n'a pas fait les jeux annulés, ça doublait le nombre de jeux. Oh mon dieu. Mais d'ailleurs, il y a eu beaucoup de jeux annulés. Allez, c'est parti, on enchaîne. Mais il y a eu beaucoup de jeux annulés. Non, mais c'est pas possible. Mais je me demandais, avant avant quoi ? C'était vraiment parmi les premiers à être annulés à cette époque, ou déjà avant, ils en avaient eu à l'appel. Qui est avant Disney ? Avant Disney, ouais. Mais bien sûr, j'en suis à plus de 60, je crois, 70 jeux annulés. Mais après, après, ça veut pas dire que c'est des jeux qui étaient très avancés en production. Ça peut très bien être des jeux qui n'ont pas dépassé le stade après production, parce que, en fait, dans les jeux vidéo, c'est normal. Le jeu vidéo, c'est comme ça chez tous les studios. Ils développent des prototypes et puis ils arrêtent parce qu'ils savent que ça va pas être bien. Ou que ça va demander trop de moyens. Mais dès l'histoire de Star Wars, des jeux Star Wars commencent sur un jeu annulé. 1983, je crois. Oui, c'est ça, 1983. Il y a un jeu Ewoks qui est annulé. Et la ROM est trouvable sur Internet, vous pouvez y jouer. Mais il est pas sorti. Oh merde. Donc ça commence directement. C'est Ewoks, je sais pas quoi. 1983, donc on est dans la deuxième année de jeu Star Wars, il y a déjà un jeu annulé. Chez LucasArts, par exemple, on a eu, ils ont travaillé pendant un certain temps sur un jeu d'aventure, ils ont fait plein de jeux d'aventure, plein de jeux Star Wars, jamais un jeu d'aventure Star Wars, malheureusement. Et ben, à un moment, ils travaillaient sur un qui s'appelait The New Emperor, qui se serait passé après Retour de Jedi, donc déjà à l'époque c'était pas mal, et qui aurait eu comme héros 6PO dans un gameplay d'espionnage. Donc moi j'aurais kiffé, malheureusement, enfin j'adore Grim Fandango, mais il a été sacrifié pour faire Grim Fandango. À la même époque, il y a eu un jeu, l'équipe de X-Wing travaillait sur un jeu où on était Han Solo dans le Millennium Falcon avec des phases de gameplay à l'extérieur, on pouvait atterrir sur des planètes et aller se promener comme dans KOTOR et puis rentrer dans son vaisseau, faire des combats spatiaux, etc. Mais trop ambitieux. Il y a eu des tas de jeux qui ont été annulés, mais pas forcément en fin de production en milieu de production comme Star Wars 13. D'accord. C'était en pré-production. Okay. Moi, je peux poser la question. Ouais, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai. Donc, éventuellement, du matériel pour une émission future. Voilà, les ce sera l'émission de la frustration. Tout ce qu'on aurait pu avoir et qu'on n'aura jamais. Ah non, c'est clair, ça. Ah ouais, non, ça va encore rendre des gens tristes. Mon cher Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est facile. Twitter. At Lucasfilm Games pour des concept art, etc. Mm-hmm. Et des commentaires de gens qui demandent KOTOR 3. Oui, ben voilà, soyez gentils avec Pierre, c'est pas sa faute si le jeu que vous voulez absolument il est pas sorti. Donc, arrêtez de croire que je suis vrai Lucasfilm Games. Ok, d'accord, j'ai pris le nom. Mais bon, je pensais pas qu'on allait me prendre pour le vrai Lucasfilm Games. Mm-hmm. Donc voilà, on te retrouve sur effectivement sur Lucasfilm Games, sur Spaceship Home dont on a rapidement parlé. Oui. Sur Pierre Salard. Ouais, mais là c'est moins intéressant, c'est juste moi qui râle à propos du monde. Et de toi. Si vous voulez râler, vous savez où il faut aller. Vous pouvez aussi réécouter l'émission sur l'épisode 6 qu'on avait fait avec Pierre Salard. Donc c'était vraiment très très intéressant. C'était aussi une très très bonne émission. Donc en tout cas, on espère que vous avez appris plein de trucs. N'hésitez pas à partager avec nous. Voilà, puis on stream aussi maintenant là, sur Twitch. Ah oui, effectivement, sur une émission sur les jeux vidéo. Ce serait dommage de ne pas en parler. On a justement, on a Adrien qui stream Fallen Order comme on en parlait. Mm-hmm. Et puis, il n'est pas impossible que moi j'y retourne ou que Matt s'y mette. Ou Grushkov et Tuki, quand ils auront réussi à réparer leur internet. Donc oui, ça s'appelle Faut qu'on y joue. On est aussi sur YouTube, on met les replays. Si vous n'avez pas le temps de regarder en live, vous pouvez regarder ça directement là-bas. Donc en tout cas, ben merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager. S'il y a des jeux dont on n'a pas pensé à parler, ben on sera très heureux de continuer la conversation sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires YouTube. Ne jouez pas à Yoda Stories. Non, jouez à Yoda Stories, on n'en a pas parlé, je suis dégoûté. Oh non, hop. Ben non, jouez à... C'était quoi le jeu ? C'était lequel des rogues que vous vouliez absolument conseiller ? Ah bah... Rogue Leader, moi je dis. Rogue Leader, si vous parvenez à trouver GameCube et le jeu, sinon, soit là, voilà. Ça sera déjà pas mal pour commencer. Ouais, c'est très bien ça. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, jouez à Rogue Leader si vous trouvez une GameCube sous la main. Et que la force soit avec vous. Allez, bye. À plus. Ciao, ciao. Salut. Vous en voulez plus ? Retrouvez donc Faucon Millénial sur Facebook et sur Twitter @FauconPod. Bonne soirée ou bonne journée. Bisous.